ces bulles de rêve. Merci. Ces bulles de rêve sur le cinéma d'animation qui commence, c'était Godzilla qui nous accueillait, la version originale, hein, la version japonaise, qui est éditée sur un DVD, sur un CD japonais où tout est marqué. Tout ça pour vous dire que toute la musique qui va nous accompagner aujourd'hui, alors que ça n'a rien à voir, notre sujet, va être uniquement asiatique, sûrement en prélude à l'émission que je vous proposerai le 30 décembre, cette fois-ci c'est la bonne, qui sera sur le cinéma d'animation japonais, avec Ilan Nguyen qui nous fera un topo pendant 2 heures sur le cinéma d'animation japonais. Et celle en, je vous dis déjà, celle en, oui, déjà en janvier, en 2007, fin janvier, où on aura notamment Valérie Pierson, Cédric Mercier, qui nous parleront un peu de leur travail qu'ils ont fait effectuer sur la science des rêves de Michel Gondry. Mais ce n'est pas l'actualité du jour. L'actualité du jour, c'est sur l'AFCA, l'Association française du cinéma d'animation. Et je reçois donc l'un des grands manitous de l'AFCA. Vous connaissez par cœur, Olivier Catrin. Bonjour Olivier. Hugues. Et je reçois aussi Florentine Grelier. Vous avez déjà entendu à ce micro, étudiante au DMA de Sainte-Geneviève. Ancienne étudiante, qui nous avait déjà parlé d'Annecy, son premier festival. Bonjour Florentine. Bonjour. Alors pourquoi l'AFCA ? En fait, il y a plusieurs choses. J'avais voulu à la base faire une émission sur l'AFCA, puisque l'AFCA connaissait de gros problèmes financiers. Donc on s'était dit d'abord, on va se lancer là-dedans. J'avais dit Olivier, tu viendras et on fera cette émission. Et puis il y a eu plein de messages sur des forums, aussi bien sur le forum de l'AFCA que sur le forum de Food Anime, etc., etc. Et donc on s'était dit, on va faire finalement une beaucoup plus grosse émission, on va dire, de 2 heures. Donc on va faire ça. Mais j'ai 3 questions d'abord pour mes invités avant de commencer sur l'AFCA. Olivier, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu défends l'animation ? Ah, pourquoi je défends l'animation ? Eh bien, parce que d'abord, c'est un cinéma, une forme de cinéma qui me touche beaucoup. Et puis, c'est un cinéma qui a besoin de reconnaissance encore. Donc, on a envie de se battre pour que les gens connaissent mieux. Le public connaît tellement, tellement peu de l'animation. Vraiment une toute petite partie. Donc, il y a un travail énorme à faire. Et donc, c'est forcément très excitant. Florentine, pourquoi tu fais du cinéma d'animation ? Sûrement parce que je ne suis pas très nette. Mais ok. Non, parce que mes études m'y ont amené, et comme le cinéma d'animation mélange les arts plastiques avec le cinéma, avec beaucoup de choses, c'est une mixité qui me plaît énormément et où je peux vraiment m'exprimer. Donc j'y suis arrivée un peu par la force des choses. Ok, Olivier, si les gens devaient voir, là, débutant comme ça, il faut que tu dises un film d'animation. Lequel ? C'est probablement, moi je choisirais le film qui m'a fait aimer l'animation, quoi. C'est Le Hérisson dans le brouillard. De Yuri Einstein. Ouais, en fait c'est tout le programme que j'ai vu, mais particulièrement Le Hérisson, j'ai trouvé extraordinaire, quoi. Parce qu'à la fois c'est une grande œuvre artistique, et en même temps on a ce côté monde imaginaire, monde de l'enfance, qui est plus encore que Le Conte des Contes, qui est pourtant une œuvre magnifique. Florentine ? Alors j'hésite. Moi ce qui m'a décidé à faire l'animation, c'est Pistache de Valérie Pierson. Mais sur le coup, j'aurais plutôt dit les possibilités de dialogue de Zwankmaier, qui me fascinent encore aujourd'hui. Je ne me lasse pas de les revoir. Je pense que vraiment, si on veut découvrir l'animation, c'est une œuvre tout à fait qui peut plaire à beaucoup de gens et qui peut intriguer et qui peut vraiment ouvrir sur ce monde-là. Donc là, on est dans le haut du tableau, du panier. Et la dernière question, Olivier, si... Alors, je sais que c'est un peu une question piège, c'est pas évident, mais si dans les prochaines semaines, les gens doivent aller voir quelque chose en cinéma d'animation ou un long métrage en salle ou un programme ou quelque chose, qu'est-ce que tu leur dirais d'aller voir ? Alors là, c'est la colle. Florentine, tu peux parler avant Olivier. J'hésiterai entre Monsieur et Monsieur de Poyard, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps et que j'ai vraiment adoré. Enfin, j'ai découvert Poyard comme ça. Et qui est pour les Parisiens, et notamment au studio des Ursulines. Oui, voilà, Ursulines. Et j'étais vraiment sous le charme. Et j'ai emmené des gens qui ne se connaissaient pas du tout en animation, qui ont été sous le charme aussi. Donc comme quoi, ce n'est pas seulement pour les petits. Et ça marche très bien. Et j'ai aussi vu dernièrement Le Petit Monde de Baador, qui était aussi très sympathique, avec des amis aussi de la fac... On va voir de l'animation comme ça. Et, notamment, 3 courts-métrages iraniens. Il y a un des 3 courts-métrages aussi sur Une petite famille d'hérissons qui est vraiment très beau et que je conseille vraiment. D'accord, les 2 Ursulines, Olivier, t'as eu le temps de réfléchir. Ouais, je vais rebondir sur Monsieur et Monsieur. C'est à faire un lien avec le sujet d'après. Il se trouve que Monsieur et Monsieur, les dames du film du préau, l'ont découvert à l'AFCA. Et c'est moi qui leur ai montré. Et je suis content que quelques années après, ça ait donné un programme sorti en salle. Et j'adore ça aussi. Je trouve ça absolument magnifique. Et, allez, on l'a à l'AFCA uniquement en tchèque. Mais ça reste quand même absolument merveilleux. Bon, bah, parfait. Donc voilà un petit peu. On va évidemment faire la coupure musicale du début. On va écouter une reprise. On va voir si vous devinez quelle reprise c'est. C'est très vieux. Enfin non, pas très vieux, c'est une quinzaine d'années, n'exagérez pas. À tout de suite donc pour le spécial AFCA de Bulles de Rêve. Thank you. C'était donc une reprise, peut-être que vous l'avez remarqué, de The Prince, l'une des plus belles chansons, Sign of the Time, par un groupe dont on n'a plus beaucoup parlé, Simple Minds, mais qui a marqué quand même les années 80, et, allez, un peu 90, voilà, j'ai retrouvé ça dans mes CD. Je trouve que c'est une très belle chanson de Prince, donc voilà. On va commencer donc cette émission sur l'AFCA par un petit texte. Je commence. Dès ses débuts, le film d'animation, tout au moins en France, plusieurs fois enterré, a tenté plusieurs fois de ressusciter. Une telle obstination n'a pas été, évidemment, sans laisser de traces. Mais, pour nous qui ne sommes pas des historiens du cinéma, ces traces ne constituent pas des preuves suffisantes de l'existence et de la vitalité du cinéma d'animation. Nous avons eu l'occasion de voir, lors du festival de Cannes en 1956 et des premières journées internationales du cinéma d'animation, ce que pouvait être une production suivie, encouragée et bénéficiant d'une aide officielle. Nous avons pu ainsi comprendre que, s'il ne nous était pas nécessaire de quêter ailleurs nos sources d'inspiration et de style, tout, par contre, nous restait à apprendre en ce qui concernait les méthodes propres à permettre au cinéma d'animation d'être représenté en France par une production constante et de qualité. C'est à ce moment-là, parce que, comme beaucoup d'autres avant nous, nous avions tenté par ce merveilleux moyen d'expression et parce que, comme beaucoup d'autres avant nous, nous avions connu de longues périodes d'inaction forcée, génératrice de découragement et de renoncement, qu'a germé l'idée de l'ACA. Nous nous sommes groupés non seulement pour pouvoir parler ensemble de notre travail, mais aussi parce qu'unis, nous serons plus forts. Nous voulons en effet faire des films et nous en avons besoin. Nous avons besoin pour cela d'être soutenus. Il faut, pour que nous soyons aidés, que nous soyons nombreux. Il faut que non seulement toute la profession, mais encore tout ce que notre travail intéresse, se joignent à nous. C'est ensemble que nous pourrons trouver les solutions qui permettront de redonner une existence et un véritable essor aux films d'animation. Mais nous n'avons pas voulu vous engager à combattre avec nous sans vous donner de garanties en échange. C'est aujourd'hui que nous prenons le vrai départ et que nous vous demandons à tous de nous joindre afin que notre voix puisse se faire entendre. Olivier, c'est quoi ce texte ? Eh bien, c'est l'éditorial de Paul Grimaud, premier président de l'ACA, qui est une association qui s'appelle... Alors, c'est le titre exact, c'est Amis et artistes du cinéma d'animation. Donc, en fait, c'est l'ancêtre de l'AFCA. Voilà, donc c'est l'éditorial dans la première lettre de l'ACA qui date de 1960, donc ça fait quand même un sacré bail. 46 ans donc. 46 ans. Presque 50 ans pour ouais, le... Ouais. Il parle donc de plein de choses et c'est vrai qu'il y a notamment... On a l'impression que bon, des choses ont bougé, mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé ? Je faisais attention, on est bien soutenu, on a besoin d'être soutenu, d'être reconnu, etc. Est-ce que, qu'est-ce qui a changé depuis ces 60 ans ? Ce qui a surtout changé... C'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie production en France, quand même. À l'époque, c'était quand même... Bon, on avait quelques courts produits, pratiquement pas de long métrage, pratiquement rien pour la télé. Aujourd'hui, il y a un vrai secteur professionnel. Et ça a vraiment évolué. Mais tout le reste reste à faire, quoi. L'aspect réseau, l'aspect promotion, tout ça est important. Et donc, on n'a pas réussi à le faire en 50 ans ? Si, les choses ont évolué, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se penche plus sur les mêmes problèmes. L'idée, dans les statuts de l'ACA, c'était la promotion et la diffusion du cinéma d'animation. Bah, cette idée, elle est toujours là. Simplement, les moyens et les choses sur lesquelles on essaye d'appuyer, ce n'est pas exactement les mêmes choses aujourd'hui qu'il y a 46 ans. Voilà, où vraiment, c'était un tout petit secteur. Alors, reprenons du début. C'est quoi l'AFCA ? Ben, l'AFCA, ben voilà, c'est ça. C'est... Mais concrètement, concrètement, c'est-à-dire que si on va, on sait qu'il y a un bureau, pour ceux qui connaissent, c'est rue Pradier, il y a quelque chose. C'est quoi aujourd'hui ? C'est pas avant, aujourd'hui, en 2006, c'est quoi l'AFCA, l'Association française du cinéma d'animation ? Alors, c'est beaucoup de choses, en fait. Alors, l'aspect le plus visible de l'AFCA, c'est l'aspect de diffusion. Donc, les gens, en général, connaissent le festival d'Auch, Festival national du film d'animation, qui est à Auch depuis 1999 et qui est né à Marly en 1982, donc ça fait quand même un petit peu de temps. Donc c'est un rendez-vous, une biennale sur l'animation française, festival compétitif, qui a sa place, surtout parce que c'est un lieu de rencontre important pour les professionnels, les étudiants et tout ça. Alors le festival d'Auch aura lieu du 19 au 22 avril, donc l'année prochaine, en 2007, donc dans 4 mois. C'est tous les deux ans, une biennale. Ensuite, les gens connaissent aussi, en tous les cas, les Parisiens connaissent bien l'Animathèque, hein, qui est un rendez-vous régulier où on projette des programmes. Alors, ça peut être, c'est très très varié. C'est des programmes le plus souvent de court-métrage, mais ça peut être sur une école, sur un pays, sur une technique, sur une thématique, une présentation de films nouveaux. Ça peut être aussi des longs-métrages. Enfin, voilà, c'est une programmation assez variée qui essaye de montrer l'animation dans toute sa diversité, on va dire. Florentine, je sais que tu vas souvent à l'Animathèque. Est-ce qu'il y a une importance pour toi et toi en tant qu'étudiante qui connaissais un peu l'animation ? Qu'est-ce que l'Animathèque t'a apporté ou t'as pas apporté. Enfin, c'est quoi l'Animathèque? L'Animathèque m'a apporté beaucoup de culture. Mais c'est vrai qu'elle projette des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on n'a pas forcément accès. Enfin, on n'a pas accès. Donc, je sais que l'année dernière, j'y suis allée. J'ai été au 12 et ça m'a. Enfin, à chaque fois, j'étais ravie d'y aller. Il y a aucune. Enfin, j'ai pas été déçue d'une séance en particulier. Les programmations sont très bien faites et. Enfin, j'encourage toujours les gens à venir vraiment pour découvrir d'autres choses et puis surtout pour rencontrer les gens de l'animation puisque finalement sur Paris, il y a des réalisateurs, il y a des étudiants, il y a beaucoup de gens qui viennent et finalement on rencontre des gens, ça nous fait parler, ça nous fait... on se sent vraiment appartenir à un petit monde finalement du fait d'aller à ces rencontres. Est-ce qu'il n'y a que des gens de l'animation qui viennent à l'Animathèque ou de temps à autre il y a des gens hors de l'animation? Ah oui, bien sûr, il y a des gens qui viennent... Parce que, je ne sais plus, il y a des gens qui viennent, ils ont vu le film il y a 20 ans, par exemple, ils ont envie de revoir. Il y a des amateurs, vraiment, mais des amateurs au sens des gens qui aiment les films. Quoi. Voilà. Puis il y a des gens qui sont plus des professionnels, c'est assez large. Il y a des diffuseurs et tout ça, c'est le public en général de l'AFCA. Quoi. Il est très, très, très, très large. Juste une petite chose, l'Animadex était à l'espace Kodak, c'est fini. C'est au jeu de paume, on en parlera à la fin de la prochaine Animadex. C'est au jeu de paume pour la prochaine et au forum des images, c'est ça? Normalement, quand le forum... Voilà. Un de ces jours à la rentrée prochaine, normalement, ça devrait être au Forum des Images. Mais en attendant, c'est au Jeu de Paume, qui est une très jolie salle, qui n'est pas très très grande, mais qui est un beau lieu, un beau lieu de cinéma en tout cas. D'accord. Mais l'espace Kodak, c'est vraiment fini. C'est fini, bon. C'est dommage, c'était un beau lieu aussi. Ouais. C'était bon. Donc on a le Festival d'Auch, on a l'Animathèque. Quoi d'autre au niveau de la diffusion? Dans la diffusion, il y a la fête du cinéma d'animation, donc, qui est l'élément le plus récent, puisqu'elle est née en 2002, ça n'avait pas très très longtemps, 5 éditions. Où là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir au plus large public, quoi. Montrer de l'animation sous les formes les plus diverses, pour les publics les plus variés, dans des lieux les plus différents, pas forcément consacrés à l'animation. Donc c'est vraiment aller vers le public et puis essayer de les pousser à la curiosité. C'est vraiment le principe, quoi. Et ça a bien pris, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ça a quand même bien évolué entre la première, qui était quoi, sur 2-3 jours, c'est ça? Au tout départ, quand on a lancé la fête, on s'est dit, on va fêter cette journée mondiale, puisque c'est une journée mondiale. Donc la fameuse journée, on 28 octobre. Pourquoi 28 octobre? Voilà. Ça tombait un lundi la première fois. Puis les gens nous ont dit, on veut bien faire quelque chose, mais un lundi, c'est pas terrible et tout. Alors bon, on s'est dit, allez, on va faire samedi, dimanche, lundi, on va faire 3 jours. Puis finalement, on a terminé sur 5 jours. Et on s'attendait absolument pas à ça, en fait. Au début, on s'est dit, on va avoir quoi? On va avoir une vingtaine de lieux qui vont participer. Et puis, à la fin, pour cette première édition, on s'est retrouvé avec quand même 120 événements. Uniquement en France. Uniquement en France. Et on rappelle juste, le 28 octobre. Je sais que beaucoup de gens le savent, mais au cas où. Voilà, donc c'est la naissance du dessin animé. C'est-à-dire que c'est la première projection publique d'Émile Reynaud au musée Grévin. C'était Pauvre Pierrot. Et il y a eu, de séances, plusieurs milliers de projections au musée Grévin. Donc c'est 3 ans avant l'invention du cinéma, mais c'est déjà la projection d'un dessin animé. Voilà, c'est cette journée-là qui est qui marque un peu la naissance du dessin animé, pour ne pas parler de cinéma d'animation. Alors pourquoi tu parles, oui, pourquoi cette année il va y avoir quelque chose qui va se passer, peut-être à Annecy, on ne sait pas encore, sans rentrer dans une polémique stérile, mais par rapport au dessin animé, justement, à l'animation, pourquoi tu dis finalement dessin animé avec Reynaud, alors qu'on a plutôt dit film d'animation, et parce que les Américains, alors encore une fois, sans tomber dans une polémique facile et qui n'a pas grand intérêt, mais disent qu'en effet, Stuart Blackton, en 1906, invente, on va dire, les rudiments, et ce qui fait qu'aujourd'hui, qui est quasiment plus utilisé d'ailleurs, enfin, qui était utilisé, mais l'idée de... c'est l'autre, chose comme ça, enfin, c'est en 1906 que ça a été commencé, donc pourquoi... Pourquoi 1906 ? Moi, je veux bien, mais c'est même pas le premier film d'animation dans le cinéma, 1906. Donc, ça n'a aucune justification, parce qu'avant, il y a Melbourne Cooper en Angleterre, une année avant. Donc, à la rigueur, 1905, j'aurais pu comprendre, 1906, c'est la naissance du cinéma d'animation aux États-Unis. Voilà, on va dire. D'accord. Donc, voilà. Mais alors, ce qui est c'est très marrant, cette histoire de centenaire, hein, parce que nous, on a des affiches à l'AFCA qui parle de centenaire du dessin animé ou du cinéma d'animation. Et il y en a plusieurs. Il y a 1877, il y a 1882, il y a 1888, 1892. C'est la journée mondiale. Et là, maintenant, on va avoir 1906. C'est quand même extraordinaire. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est quand même surprenant? Parce que dans la prise de vue réelle, il y a, c'est 3 ans après, hein, il y a les Frères Lumière officiellement. Alors, bon, il y a toujours entre les Frères Lumière et Edison. Mais même là-dessus, il y a une polémique. Ouais. Il y a des polémiques, mais on ne joue pas tellement sur le nombre d'années. Mmh. On ne sait pas qui réellement, à quel moment. Mais il n'y a pas ça. C'est drôle que pour un petit milieu comme le monde de l'animation, d'un seul coup, on ait cette multitude. Au contraire, on devrait plutôt, parce que ça va être un peu tout le débat, peut-être un peu se regrouper et puis pas faire tellement cas de ce genre de problème de savoir qui a le premier mis, puisque on peut revenir très loin, on peut revenir à Muybridge, on peut revenir à Joseph Plateau, on peut. Ouais, c'est le problème, c'est à partir d'où on. Voilà, est-ce que le dessin animé est né quand on a fabriqué des machines à montrer des dessins animés, ou est-ce que c'est la première projection publique, ou alors est-ce qu'il faut marquer ça au moment où c'est vraiment le cinéma? Je rappelle que Reno, c'est quand même très très proche du cinéma, hein. C'est des bandes perforées quand même, c'est pas de la pellicule, mais on en est très très proche, quoi. Donc après, moi, 1905, ça m'aurait pas gêné, 1906, j'ai du mal à voir. En plus de ça, on le fait avec un an de retard, puisque ça va être 2007, enfin, bon, c'est pas grave. C'est le côté un peu, je trouve, un peu surprenant de vouloir dans des petits milieux comme ça, tenter de mettre des points sur des i qui n'en sont, il n'y en a pas besoin. C'est l'occasion de fêter quelque chose, c'est pas très grave. C'est plus ça, d'accord. On continue. On avait dit donc, on a dit Hoche, l'Animatech, on a dit la fête du cinéma d'animation. Donc ça, c'est les trois principaux moyens de diffusion de l'AFCA, c'est-à-dire vraiment dirigé par l'AFCA, enfin monté par l'AFCA. On est d'accord. C'est les choses les plus visibles. Alors après, pourquoi on connaît l'AFCA? On connaît pour la lettre de l'AFCA, mais ça s'adresse pratiquement uniquement qu'aux adhérents. Donc c'est quand même un élément d'information qui est pas inintéressant. Et puis par le site internet, où là on se rend compte que sur le site internet on va trouver beaucoup d'informations. Pourquoi l'AFCA, je sais que c'est lourd, pourquoi l'AFCA par exemple ne présenterait pas des. C'est possible de présenter des films aujourd'hui? On sait bien que la difficulté, la plupart de sur nos éditeurs, site. Les gens, voilà, on sait bien, c'est difficile de montrer de l'animation, c'est difficile de voir, pardon, de l'animation. Mmh. Pourquoi par exemple l'AFCA ne pourrait pas montrer des films directement sur leur site? On pourrait, mais en fait il y a d'autres sites qui font déjà ça, et qui font payer, par exemple, enfin on va pas citer les sites, mais certains le font gratuitement, ce qui me semble un petit peu bizarre, parce que ça me semble toujours un petit peu, voilà, sauf quand il y a l'accord des auteurs, on choisit quelques films, etc. Là ça a un sens. Maintenant, quand on monte beaucoup de films comme ça gratuitement, je trouve ça un petit peu curieux. Donc peut-être c'est une autre vocation, en fait. Alors peut-être qu'on pourrait, nous, choisir certains films qu'on mettrait en ligne dans un esprit de promotion, un petit peu comme on fait pour l'Animatech. Ça, c'est possible, ouais. Toi, Florentine, au niveau de la diffusion, avant de connaître, tu rentres à Sainte-Geneviève, t'as fait quoi? On en a parlé un petit peu, tu te lances dans l'animation. Oui, voilà. Est-ce que tu connais l'AFCA? Non. Ça, vraiment, dis-le. Oui, on non, est, on je est là. Ne connais pas l'AFCA. Tu connais non. pas l'AFCA. Tu découvres l'AFCA quand, en fait? Je crois que c'est notre directeur qui nous en a parlé, parce qu'il était adhérent et qui recevait la lettre et il nous avait parlé de l'Animatech. Et en fait, la première fois que j'étais à l'Animatech, je pense que c'était en ayant entendu parler par mes enseignants et mon école, finalement. Et en fait, quand tu apprends ça, c'est pas grave, tu regardes juste l'Animatech ou tu vas plus loin, tu regardes juste l'AFCA? Est-ce que tu connaissais ensuite, tu as connu le Festival d'Auch la journée du J'étais mondial, à l'Animatech. Ensuite, j'ai appelé l'AFCA pour avoir des renseignements sur un dossier que je devais faire en cinématographie. Donc, puisqu'il y a de la documentation, donc voilà, j'avais appelé pour avoir des renseignements. Et j'ai aussi été sur le site internet pour lire des dossiers. Enfin, donc je connaissais le site internet. À peu près en même temps, quoi. Du moment que j'avais vu l'Animatech, je m'étais renseignée. Enfin, l'ancien site, depuis maintenant, ça a changé. On en reparlera après de tout ce qui est documentation. Il y a beaucoup de gens qui appellent, d'étudiants par exemple, qui appellent l'AFCA pour. Et qui appellent assez peu, heureusement, parce que le téléphone, c'est. Non, il y a beaucoup de demandes par email, surtout. Oui, en gros, il y a 400 à 500 demandes diverses par an. D'accord. Ce qui est quand même pas mal, hein. Par jour ouvrable, ça fait 2-3 demandes par jour ouvrable. Et donc, ça peut être des visites sur place. Alors, c'est dans des domaines assez différents, hein. Quand je parle des demandes, ça peut être des gens qui cherchent des écoles d'animation, ça peut être des gens qui cherchent des conseils par rapport à un projet qu'ils ont. Alors, ceux-là, en général, souvent, viennent sur place et on peut les conseiller, on va les orienter Par exemple, s'ils cherchent un producteur, on va les orienter vers des producteurs. S'ils cherchent des informations sur des aides, on va les informer sur les aides, sur la présentation de leur dossier, éventuellement sur des collaborateurs. Alors, ça, par exemple. Ça, on va revenir. Ça, je vous coupe de suite parce que ça, on les fait à un moment important. Enfin, on va vraiment beaucoup en parler. On va faire une petite pause musicale et on va revenir avec une question fondamentale. C'est qui l'AFCA ? Parce que je ne suis pas sûr qu'on sache exactement combien il y a de gens, ce qui se passe, les budgets. Et après, on va parler évidemment des moyens, de ce que donne. C'était juste déjà pour situer un peu au niveau diffusion, parce qu'évidemment, c'est important. On n'a pas tellement l'occasion de voir de l'animation. Donc voilà, donc on va passer à la page musicale 3. Et on va écouter ça. On revient sur l'Asie. Voilà. Oui, vous êtes bien toujours sur Bulle de Rêve. Vous écoutez Bulle de Rêve. C'était la magnifique voix de Tony Nam Chuai qui joue dans In the Mood for Love. Vous avez reconnu évidemment le thème de In the Mood for Love juste avant. J'ai un trou de mémoire parce que c'est Michael Galasso, mais pas celui-là. Ce thème-là est justement fait par Chigeru Umebayashi, donc un japonais pour un film chinois. Vous allez voir, c'est pas nouveau, il y en a un autre juste un peu plus loin. On en était à donc Bulle de Rêve spécial AFCA, toujours avec Olivier Catrin et Florentine Grelier. Olivier, c'est qui exactement l'AFCA ? C'est qui ? Il y a combien de personnes ? C'est qui ? Qu'est-ce que vous faites ? Pour qu'on comprenne un petit peu. Alors, c'est 3 salariés, 2 à plein temps et un troisième à 2/3 de temps à peu près. C'était 4 il n'y a pas si longtemps. Donc on est un de moins, malheureusement. Donc c'est pas beaucoup. Donc de on peut rendre hommage à la personne qui est partie il n'y a pas longtemps. Voilà, c'était Michael Bach, c'était la déléguée générale et elle est partie en février pour des raisons budgétaires. On va parler voilà. après, dans les faits. C'est un formidable travail. Il faut dire que quand elle a été nommée déléguée générale de l'AFCA, c'était la période la plus noire de l'AFCA, en 97. Et elle a bien, bien remonté l'AFCA pour en faire quelque chose qui compte quand même aujourd'hui. Donc, Mickaël, tout à fait, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Mmh. Mickaël, donc la déléguée générale qui est partie. Il reste, on va commencer par les filles. Par les filles. On va commencer par Marina. Marina, elle s'occupe, donc c'est elle qui s'occupe de la programmation de l'animathèque, dont on a dit tant de bien. Donc un travail formidable. C'est elle qui s'occupe de la lettre de l'AFCA aussi et qui coordonne le festival. Tout à fait, oui, j'ai passé parce que j'ai fait la... On n'a pas fini, en fait, pour tout vous dire, les petites coulisses. On aurait voulu vous parler à ce micro même, je pense, en fin de Auch et de la sélection officielle. Malheureusement, c'est quelque chose de très difficile. D'ailleurs, j'en profite, je suis au micro, je leur dirai plusieurs fois, je ferai, pour m'excuser auprès de tous les gens que j'ai ennuyés pendant ces longues années. Olivier en est témoin, parce que je l'ai embêté en disant « Mais pourquoi vous n'avez pas pris tel film? Vous êtes vraiment nul. C'est impossible. Franck, excuse-moi aussi de t'avoir ennuyé pendant tout ce temps-là sur Valérie et sur Pistache. Mais comment? Parce qu'en fait, c'est absolument invraisemblable. On reste dans une semaine à trois et avoir énormément de films et à essayer d'avoir quelque chose de ces films, sachant qu'évidemment, on n'est pas du tout les mêmes au début, à la fin, selon qu'on ait vu le film, selon qu'on n'ait pas vu le film. On est trois personnes là. J'avais avec moi Isabelle Vanini du Forum des Images et Stéphane Pierra qui est scénariste, storyboarder, réalisateur mais plutôt... Même il fait énormément de choses en télé. Mmh. Donc c'est une petite aparté, mais c'est pour dire c'est vrai qu'on aurait bien voulu en parler. On parlera du Festival d'Auch qui sera l'un des événements de l'année prochaine en animation. Et on vous parlera, j'essaie d'avoir mes deux compagnons d'infortune. Non, c'est un travail qui est très difficile. Et Marina a été, c'est vrai, assez extraordinaire, tout le temps présente, enfin en train de faire que justement mettre les cours, enfin bon... Mmh. Donc c'est vrai que c'est un boulot qui est assez lourd, on va dire. Puis après, il y a tout le festival à mettre en place, évidemment. Et encore, la sélection pour Auch se passe dans des conditions plutôt bonnes. Je veux dire, vous avez quand même du temps pour voir les films. Oui, il n'y a pas trop fait. De films, etc. Ouais. Si on compare à ce qui se passe... ce que tu as fait toi à Zagreb, par exemple. Oui, ou à Annecy, etc. Et c'est une quantité de films qui est encore beaucoup, beaucoup plus importante. Et c'est vraiment très, très compliqué comme travail. Quoi. Ce qui fait que vraiment, c'est le message... Soyez indulgents avec les sélectionneurs. Oui, non, puis surtout, parce qu'à la rigueur, nous, on fait le travail qu'on peut faire. Surtout que vous soyez sélectionné en compétition, en panorama, que vous ne soyez pas... Sincèrement, à part quelques petites choses exceptionnelles, je sais que Florentine a présenté son film, elle n'a pas été retenue, mais c'est vraiment pas important. C'est-à-dire qu'en plus, on a des difficultés des fois à se dire, à part quelques-uns. Nous, je sais qu'on a eu 6 qui étaient en compète quasiment sûrs. Le reste a été très difficile et je pense que c'est partout pareil. Donc, c'est vrai que ne vous découragez pas si vous envoyez, c'est pas pris à tel ou tel festival, que ce soit à Auch, Annecy, Zagreb ou les autres. C'est vrai que ça veut rien. C'est pas que ça veut rien dire. Bon, si au bout de 15 ans, il n'y en a aucun et ça peut être un peu compliqué, mais vraiment continuer parce que souvent, voilà, ça dépend quand votre film arrive, ça dépend si c'est un thème difficile enfin, si c'est un thème drôle enfin, etc. Donc vraiment, on en reparlera, mais continuez, même si vous n'êtes pas pris. On revient sur Marina, donc voilà. La lettre. Donc la lettre, l'animathèque, le festival, et ça c'est nouveau, elle va s'occuper aussi maintenant de tout ce qui est documentation. Documentation de l'AFCA, les archives, les originaux de films aussi, parce qu'on a énormément de choses qu'il faut exploiter maintenant, qu'on a récupérées assez tardivement. On va pouvoir faire de magnifiques expositions avec des cellulos, des dessins originaux et tout ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tout ce qui est en bas dans ces boîtes et tout ce non, qui non, est... Non, non, non, c'est même pas à l'AFCA parce qu'on n'a pas la place à l'AFCA. Il y a des... Je sais pas, il doit y avoir un millier d'originaux de films, en wow. fait. Quelque chose de, ouais. Des noms. Il y a quoi tout. Il y a de tout. Tous les plus grands films du monde. Non, des choses absolument extraordinaires. Incroyable. Donc on a hâte que ça se mette en place. Ouais, tout à fait. Bah, la première fois qu'on va montrer ce fonds, ce sera dans le cadre du premier salon du cinéma, qui est du 12 au 14 janvier. Et on va monter une première expo, réutiliser une expo qui existait déjà d'ailleurs. À cette occasion-là. Bon, on en reparlera lors de l'émission du 30 décembre. Peut-être pas avec Olivier, parce qu'il vient quand même souvent. Donc, on va essayer de le réunir, parce qu'il pourrait croire qu'il est de nouveau l'animateur de Bulle de Rêve. Donc, on ne va pas le faire venir. Mais donc... non, Alexis. Marina, donc, ça, c'est Marina, une voilà. personne. Ça fait déjà pas mal de choses. Ensuite, Bernadette, qui s'occupe de la boutique. On va en parler de l'AFCA, la boutique. Qui s'occupe de tout l'aspect administratif de l'AFCA et qui s'occupe aussi de la communication. C'est elle qui envoie tous les emails que vous recevez, nous informant de la prochaine animathèque, de tout ça. Quoi. D'ailleurs, on va parler de la boutique dès maintenant, parce que c'est vrai qu'on parlait de diffusion et après tout, c'est pas si loin que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, la boutique, réellement. Enfin, vous en avez fait de la publicité. Non, ça doit faire 2 ans. Qu'est-ce qu'on y trouve à parler peut-être des DVD, des DVD, des livres, des flipbooks, enfin tout ce qui peut intéresser les gens de l'animation. Alors on essaye d'avoir des choses qui sont un petit peu rares quand même. On a encore un gros travail à faire dans ce domaine-là, à mon avis, pour avoir des choses plus rares, notamment de différents pays dans le monde, parce qu'il y a des éditions qui existent. Mais bon, ça prend du temps, c'est du travail. Notamment les DVD de la CIFA qu'on trouve uniquement à Annecy sur les stands. Par exemple, mais il y en a déjà qu'on a. Trouver, oui. Mais il y a aussi des collections de DVD, de Zagreb Film, de Bulgarie, et tout ça, on doit pouvoir les récupérer. Mais ça m'a, c'est un petit peu long à mettre en place, mais on va. Ouais, et puis des DVD d'auteurs, tout simplement, des DVD ou des VHS, il y en a encore quelques-unes. Alors donc, l'adresse c'est 53 bis, rue Rodier, dans le 9e, métro Anvers. Et c'est ouvert de quelle heure à quelle heure ? C'est ouvert de 10h à 19h, voilà, avec une pause entre 13h et 14h, parce qu'il faut qu'on déjeune quand même. Donc oui, 10h, 13h, 14h, 19h. Ouais. Si un artiste, comment ça se passe ? C'est-à-dire que c'est évident, je me doute, si elle était là lors de l'émission, la dernière émission, je suppose que si Florence Mia vous donne des choses à vendre, Jérôme Boulbès ou des choses comme ça. Imaginons que Florentine ait envie de vendre son film ou quelqu'un d'autre, ou un jeune auteur qui a son DVD par exemple. Est-ce que c'est possible, par exemple ? Oui, tout à fait, il vient et puis on fait une convention pour un dépôt-vente. D'accord, donc tout le monde, en fait, qui nous entend, tout le monde peut vendre son DVD, même si c'est à compte d'auteur, si c'est un petit. Je pense que c'est intéressant que ça peut se vendre, même si on n'en vendra que 4-5 exemplaires. Si on se dit ça n'intéressera absolument personne, peut-être qu'on ne prendra pas. Mmh. Mais il y a parfois des gens qui nous proposent des choses qui sont quand même assez loin de l'animation et qui peuvent être intéressantes. Mais pour les gens qui s'intéressent à l'animation, qui viennent chez nous, c'est quand même un peu loin. Il y a aussi des œuvres originales, enfin des dessins originaux, des choses comme ça, parce qu'on parlait de Florence Mial, par exemple, elle en a proposé. Ça aussi, c'est un secteur qu'il faut qu'on développe, mais on propose ça aussi. Voilà. Ça, c'est bien, donc des œuvres qu'on peut voir dessins, directement, des cellulos originaux, dessins. Ouais. Bon, ça c'est bien. Donc ça, c'est Bernadette qui s'occupe de tout ça, puis toute la partie administrative, non, aussi, un peu compte, voilà, c'est ça, choses comme ça qui ne sont pas évidentes. Hein, c'est Bernadette. Oui, ouais, qui est difficile, qu'il faut jongler, Et donc le troisième larron, il est là, Olivier, donc toi, tu t'occupes de... Tout ce qui est... déjà la fête du cinéma d'animation, puisque c'est surtout pour ça qu'on me connaît. Voilà, tout ce qui est toute la représentation de l'AFCA comme interlocuteur auprès de nos financeurs, de nos partenaires institutionnels et tout ça... Et puis, tout ce qui est aussi les demandes d'information, donc de conseils par rapport à des programmations, par rapport à des conseils sur des projets de films ou des choses comme ça. Voilà. Et ça, tu réponds à tout ? Je réponds à tout dans la mesure de mes connaissances. C'est-à-dire que parfois, je demande de l'aide. Mais c'est vrai, on a un bon réseau qui permet... Parfois, on a des questions qui sont très techniques, par exemple, auxquelles je ne suis pas capable de répondre. Donc, je demande à quelqu'un qui est capable de me répondre et voilà. Donc, ça, c'est les trois membres, on va dire, c'est les trois personnes qui travaillent à l'AFCA. Il n'y a que vous trois. En ce moment, je sais qu'il y a toujours, plus ou moins évidemment, comme il y a toujours un ou deux stagiaires en plus. Voilà, c'est normal pour, on va dire. Est-ce que, on sait que c'est un problème, les stagiaires aujourd'hui, est-ce qu'ils apprennent plein de choses ? Est-ce que vraiment ils sont entourés ? Franchement, je crois que les gens qui ont fait un stage à l'AFCA n'ont pas regretté parce qu'ils sont amenés à faire plein de choses, à rencontrer des gens et je crois que c'est quand même très intéressant. On va donner le meilleur exemple ? Oui, enfin, le meilleur exemple, c'est parce qu'elle est souvent venue. C'est le meilleur exemple. Elle a été là, le plus frappant dans le sens où... Voilà, Annabelle Sebag qui a été stagiaire pratiquement un an à l'AFCA, c'est-à-dire qu'elle a été stagiaire festival puis stagiaire fête du cinéma d'animation et qui maintenant est administratrice de l'AFCA. Et qui vend 2 ans. Elle est venue ici chez Premium Film où elle vend les films d'animation, de courts-métrages, notamment d'étudiants, mais pas que d'étudiants, parce que je sais qu'elle a Inventaire Fantôme, il y a pas mal de choses. Si je dis Annabelle. À mon avis, devrait. Voilà, si je dis le meilleur exemple, c'est qu'Annabelle, il y a 2 ans, enfin, quand elle a commencé dans l'animation, finalement, elle connaissait très peu de choses au monde de l'animation, et c'est vrai, c'est formé vraiment à l'intérieur de l'AFCA par rapport, et qu'aujourd'hui, elle a un poste très. très enviable. En tout cas, elle fait beaucoup pour l'animation. Donc, c'est assez intéressant. Non, c'est bien de le dire parce que c'est vrai que le problème des stagiaires dans la plupart des sociétés ou des associations qui ne servent strictement à rien ou en tout cas qui sont là juste pour faire évidemment le menu travail, c'est quand même assez terrible et c'est malheureusement tellement répandu que c'est bien de le dire. Après, on va parler du budget, c'est bien de dire qu'en effet, il n'y a pas de budget, donc c'est bien d'utiliser dans ce cas-là des stagiaires, mais il faut qu'eux, évidemment, en ressortent quand même quelque chose de ne pas faire... Alors ils bossent, hein, c'est vrai, les stagiaires à l'AFCA ils bossent. On essaie de les aider, que ça leur serve. Et, voilà, alors après ça se passe plus ou moins bien, en général ça se passe vraiment bien. Et puis pas mal, on trouvait du travail derrière, et, effectivement. Ce qui n'est pas forcément évident dans ce domaine-là. Ouais, alors, mais ça aide, c'est vrai. Donc les stagiaires, ça c'est une chose. Je suppose qu'il y aurait moins de stagiaires, en tout cas il y aurait plus de personnes embauchées, s'il y avait plus de budget. Qu'est-ce qui s'est passé sans... C'est mon rentré, mais qu'est-ce qui s'est passé pour d'un seul coup? On a l'impression, alors qu'aujourd'hui, et c'est un peu ce qu'on va dire, c'est-à-dire on va parler de ça, parce qu'après, évidemment, il y a plein de demandes par rapport à l'AFCA, en disant ben, pourquoi l'AFCA fait pas ci, fait pas ça, juste pour comprendre, c'est pour ça que je demandais combien de personnes, et quel est le budget, pas à l'euro près, mais qu'est-ce qui se passe alors qu'aujourd'hui, l'animation, on en parle tout le temps, il y a presque 20 longs métrages qui sortent dans l'année. Ce qui est complètement fou, il y a encore 10 ans, c'est tout juste qu'il y en avait deux qui sortaient. Qu'est-ce qui se passe pour que l'AFCA, d'un seul coup, il n'y ait plus d'argent? Alors, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes sur les associations. Le CNC n'a plus donné d'argent à certaines associations. Comment ça s'est passé exactement? En fait, moi, j'expliquais tout à l'heure que Mical était arrivé à un moment où l'AFCA était dans une situation un peu noire. Effectivement, il y avait quasiment plus de budget, il n'y avait plus de salariés à l'AFCA à ce moment-là. Et donc, elle a énormément développé l'AFCA. En se salariant, d'abord en trouvant les moyens de se salarier elle-même, puis Marina, puis moi et Bernadette. Donc il y a eu une augmentation très régulière des budgets, des aides allouées à l'AFCA, avec une reconnaissance de son travail. Mais à un moment, ça a coincé. Alors pourquoi ça a coincé? Ça a coincé pour deux raisons. D'abord, il y avait des contrats qui étaient des contrats aidés. Vous savez que les contrats aidés, en général, c'est décroissant. Au bout d'un moment, on a pu... Voilà, les contrats sont plus aidés par l'État, donc il faut trouver des financements complémentaires. Et c'est arrivé à un moment où, justement, il y a eu une crise du financement public, où le CNC a dit, bon, OK, cette année, c'est moins, je sais plus, 13% pour tout le monde, enfin, en moyenne, parfois plus pour certains, parfois certaines associations se sont retrouvées sans rien du jour au lendemain, et puis nous, ça a été moins 10%, mais ça s'est conjugué en plus à l'arrêt des subventions du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui nous donnait moins que le CNC, mais qui nous donnait aussi de l'argent. Enfin bref, l'ensemble, la conjonction des choses faisait qu'on s'est retrouvé pratiquement du jour au lendemain dans une situation financière très, très, très, très, très compliquée. Ce qui fait que c'est fou, parce que l'association, donc, on l'a dit, hein, date d'il y a maintenant assez longtemps, plus de 50 ans, et du jour au lendemain, alors on sait que les associations vont mal, hein. On sait que dans notre pays c'est pas évident d'être une association et de faire de l'associatif n'est pas quelque chose de très bien vu en ce moment, pourtant c'est fondamental, c'est comme ça que des choses en effet comme l'animation, comme le cinéma d'animation permet de pas de survivre puisque, mais en tout cas l'animation d'auteur permet d'avancer. Il y a eu aucun recours, il y a eu une lettre, c'est ça qui avait été faite de plusieurs associations? Oui, alors du coup pas mal d'associations un peu équivalentes de l'AFCA dans le domaine du cinéma se sont réunies pour en tout cas pour exercer une certaine pression, un poids, disant voilà, on est ensemble, on travaille ensemble. Alors il y a des gens comme l'agence du court-métrage, la maison du film court, les enfants de cinéma, Carrefour des festivals, enfin toutes ces associations-là. Et on s'est dit, on va être un interlocuteur auprès du CNC, expliquer notre action, se défendre, dire que si l'un de nous est en danger, les autres aussi vont en pâtir, parce que tout ça est un réseau qui est interactif, on va dire, travailler ensemble. Donc ça a au moins eu cet effet bénéfique. Mais le problème, c'est que quelque part, la baisse ne représentait pas forcément la même chose pour tout le monde. Pour certaines associations, j'exagère peut-être un petit peu en disant ça, mais c'est un peu vrai aussi, la baisse, les moins 10% ou moins 15% du CNC, c'était... on va pas pouvoir faire de cocktail cette fois, on va pas, toi. D'accord, oui. Mais à l'AFCA, on n'était pas là, on était déjà hyper juste, avec des salaires très bas, plus bas que dans les autres associations en général, et pratiquement, enfin, vraiment pas de gras, quoi, on va dire. Donc les effets ont été beaucoup plus importants, on va dire. Et il y a eu des effets du CNC? C'est-à-dire que vous avez eu des réponses du CNC, il y a eu quelque chose qui a été mis en, en branle de leur part, ou non, c'était juste été, bah, vous avez déjà de la chance d'avoir encore un peu d'argent, vous, bah, arrivez, vous pourriez n'en avoir plus du tout. CNC. C'est vrai que le CNC avait son budget qui baissait, à la fois les subventions ministérielles baissaient, et en plus les revenus propres du CNC baissaient. Donc il fallait bien que tout le monde en subisse les conséquences, pas seulement les associations culturelles, hein, les distributeurs, les producteurs, tout le monde a payé son dû quelque part. Il y a une hein. super belle cinémathèque, à mon avis ça n'a pas dû coûter 3 francs 6 sous cette Alors, cinémathèque. Effectivement, il y en a qui sont passés au travers, et c'est vrai que le budget d'installation de la cinémathèque française, c'est quelque chose d'assez considérable, et c'est vrai que quand on voit les budgets, les augmentations de budget qu'il y a eu au fur et à mesure, et qu'on voit ce que ça représenterait pour nous, ça paraît complètement disproportionné. Parce que la cinémathèque, c'est un cocktail toutes les semaines. C'est la cinémathèque. C'est pas juste un cocktail de temps à autre. C'est toutes les semaines des cocktails et ça bouge pas. Et puis par rapport à l'animation, on va pas dire que la cinémathèque, alors que je lisais le que le. Gueule de la non, mais je rappelais qu'en effet, les grands de la cinémathèque, au tout début, pour ceux qui s'en souviennent pas, des gens de la cinémathèque avaient offert à Paul Grimaud son premier lieu de travail, etc. Mmh. Donc, à une époque, l'animation n'était pas si loin de ça de la cinémathèque, alors que là, aujourd'hui, elle est, présente de temps à autre. Un petit cours ou un petit long pour. Oui, ils participent à la fête du cinéma d'animation. Voilà, ils sur une séance. Oui. Donc non, mais c'est vrai que c'est un peu dur, ouais. Donc, parce que problème de budget quand même aujourd'hui, est-ce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui pour l'AFCA ? Par exemple, c'est important. Si vous voulez, l'activité d'une association avec uniquement des bénévoles, c'est pas la même qu'avec des salariés. Alors déjà, on trouve qu'on fait pas assez de choses, mais c'est vrai qu'on a des limites sur notre temps de travail, quoi. Donc oui, mais il y a ces 3 personnes, mais il y a quand même des gens donc, qui payent. Il y a une adhésion, c'est 50 euros, c'est ça, ou 30 c'est euros. C'est assez variable en France, selon les étudiants et les professionnels. Et puis les structures ne payent pas la même chose. Moi, c'est 20 euros. Pour l'étudiant, c'est 20 euros à l'année, ce qui est quand même pas... Étudiant uniquement dans l'animation ou n'importe quel étudiant? École d'art aussi. École d'art, d'accord. Mmh. Art, cinéma et Combien de gens, combien d'adhérents à l'AFCA? Combien d'adhérents? En gros, 260, 270 dans ces eaux-là. Ce qui n'est pas énorme par rapport au monde. Ce qui n'est pas énorme. C'est, à mon avis, c'est pas assez. C'est pas assez. On a un vrai problème, à mon avis, de communication sur ce qu'on fait. J'ai l'occasion d'en parler. Justement, on va parler de communication. On va écouter. On va faire une petite pause musicale. On va écouter donc le 5e morceau. Et je vous dis ce que c'est après, parce que d'un seul coup, je me perds dans mes fiches. Donc, on écoute et je vous dirai après ce que c'est. Thank you. vous écoutez toujours Bulle de rêve, l'émission 100% animation, et vous écoutiez une composition de Fumio Ayazaka, dans l'un des, sûrement l'un des plus célèbres films d'Akira Kurosawa, Les Sept Samouraïs. Voilà, Fumio Ayazaka, c'est édité au Japon. Je ne sais pas si c'est édité en France. Mais en tout cas, une musique très martiale pour un film très humaniste. Tout à fait, tout à fait. Mais qui joue justement sur les deux, sur ces deux côtés-là, justement. On est toujours avec Florentine Grelier, étudiante en animation, et Olivier Catrin. L'un des grands chefs, l'un des trois grands chefs, ils sont que trois, donc c'est pas dur d'être chef, ils se partagent de l'AFCA, et on parle un petit peu de l'AFCA. On parlait juste avant de problèmes de communication de l'AFCA, et c'est intéressant parce que pendant la musique, évidemment, Florentine et Olivier parlaient, et on parlait un petit peu de ce que faisait l'AFCA, et les gens ne savaient pas tellement. Il y a quelque chose qui est sorti un petit peu, j'en parlais au début, de tout ce qui s'est mis sur le forum, c'est notamment la possibilité de voir, qu'on soit étudiant, responsable de festival ou journaliste, etc., de voir des films directement à l'AFCA, donc rue Rodier. Comment ça se passe ? Il y a une vidéothèque à l'AFCA. Il y a quelque chose comme 3500 films, ce qui est quand même pas rien. Donc toute la production française de ces 10 dernières années, enfin tout ce qui est au moins intéressant, on va dire, notamment tous les films d'école qu'on garde absolument tous, et puis aussi des choses internationales, enfin, donc beaucoup, beaucoup de films. Et les gens, n'importe qui, peut demander à venir visionner ces films-là. Ils sont là pour ça. Comment ça se passe exactement ? Parce que n'importe qui, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas non plus tout à fait vrai. Enfin, n'importe qui, mais c'est deux choses différentes. Il y a les adhérents et les non. Voilà. D'abord, il y a deux jours qui sont réservés à ça. Qui sont le lundi et le mercredi. Ok. Voilà. Pour les adhérents, c'est gratuit. Voilà. Donc, ils peuvent venir tant qu'ils veulent. Enfin, s'ils passent tout leur lundi et tout leur mercredi à visionner, on va leur dire qu'il faut peut-être laisser un peu de la place pour les autres, parce qu'il y a un poste de visionnage. Mais enfin, bon, c'est quand même rarement le cas. Et puis, c'est payant pour les autres. C'est pas non plus payé très, très cher. Hein. C'est 10 euros la demi-journée, donc c'est pas des sommes qui sont astronomiques. Alors, qui vient ? Il y a parfois des étudiants. Ce qui est bien avec Olivier, c'est qu'il pose lui-même sa question. Bon, alors, qui vient exactement ? Donc, qui vient ? Donc, il y a des étudiants, par exemple, qui peuvent venir visionner des films. Il y a aussi beaucoup de programmateurs, des programmateurs de festivals. J'ai une question par rapport à ça. C'est que j'imagine un étudiant, un programmateur, un journaliste. Je viens, j'y connais pas grand-chose en animation, mais je dois faire un dossier sur l'animation. Il faut que je voie des films. Je suis programmateur, mais je fais un film sur mon festival. C'est... je sais pas, moi, les paquebots en mer du Nord pendant l'hiver. Est-ce que je viens et j'ai un super gros dossier où il y a marqué paquebot, mer du Nord, hiver, ou non, Jean ? C'est là le puits de science. Ouais, Olivier Catrin, Marina, qui disent « Ah, il y a ça, on fait une programmation sur les paquebots en mer du Nord en hiver et on sort les films qui ont lié à ce thème. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il doit y en avoir quelques-uns quand même. Voilà, on a une base de données qui nous aide. On a effectivement la connaissance des films, bien sûr. J'ai pas vu peut-être tous les 3500 films, mais pas loin. Donc, comment ça se passe par contre ? Alors, parce que, en effet, ce que savent pas les réalisateurs, et c'est ce qui était dit notamment beaucoup sur les forums, c'est qu'en fait, finalement, on va prendre un exemple clair, parce qu'en plus, pour les auditeurs qui écoutent souvent, vous l'avez déjà entendu, vous entendez sa superbe voix, on va parler de Franck Dion, avec l'inventaire fantôme. Comment ça se fait ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez eu l'inventaire fantôme entre les mains, c'était produit par les armateurs, ils vous l'ont envoyé, enfin, il y a quelque chose comme ça. Il est là. Et en fait, gratuitement, quelque part, quand les gens viennent et disent « j'aimerais faire un truc sur les vieux collectionneurs en fauteuil roulant », vous sortez l'inventaire fantôme. Ouais. Et ensuite, il peut être sélectionné au festival. Voilà, c'est comme ça. Non, alors, il y a deux choses différentes. Il y a les sélections dans les festivals, c'est autre chose. On ne s'occupe pas de ça. On n'envoie pas les films pour les sélections dans les festivals compétitifs et tout ça. En revanche, quelqu'un nous dit « j'aimerais faire un programme sur la mémoire ou le souvenir, ou je sais pas. Alors, effectivement, on va montrer son film, mais ça peut être aussi dans d'autres cas. En l'occurrence, pour ce qui est de l'inventaire fantôme, les gens du Grand Palais qui montaient l'expo là, sur Disney m'ont dit on aimerait bien avoir un programme sur l'animation française contemporaine. Et on a proposé un certain nombre de films, dont l'inventaire fantôme, qu'ils ont retenu. Voilà, donc ça peut se faire aussi dans ce cadre-là. Ça peut être aussi même le faire connaître à des festivals étrangers dans le cadre d'une carte blanche ou programmation qu'on nous demande. Ma question, c'est comment ça se Comment est-il possible, comment se fait-il que les réalisateurs, les producteurs ne soient pas au courant? C'est-à-dire que l'AFCA fait quelque chose, c'est du bénévolat, alors c'est une association, bah, c'est plutôt bien. Normalement, ils le savent, parce que quand ils s'inscrivent, par exemple, quand ils inscrivent le film pour le festival, il y a quand même une case où ils disent « Est-ce que vous voulez bien laisser le film à l'AFCA, justement, pour ce but-là » quoi. Alors, ils ne savent pas quelle proportion ça peut prendre, effectivement. Et ils se doutent bien que c'est pour montrer le film. Oui, mais je suppose qu'un film, ils se doutent, mais finalement, ils ont pas de, on ne sait pas dans quelle proportion. Eh bien, ils savent ou ils ne savent pas. Parfois, ils ne savent pas, effectivement. Il y en a dont on a montré le film 30, 40 ou 50 fois et qui ne savent absolument pas. Ouais. Mais est-ce qu'il ne serait pas bien de, justement... De les avertir à chaque fois. Non, parce qu'on parlait de problèmes de communication sur l'AFCA, qui, je pense, pour moi, est sûrement, en effet, le seul vrai gros problème qu'a l'AFCA. Encore une fois, avec un problème de... On en a parlé de budget. Il y a d'autres choses qui sont des problèmes, mais qui sont souvent liées au budget, en effet, ou quoi. Là, d'un seul coup, c'est quand même étonnant, ce manque de connaissance des gens de ce que devient leur film une fois qu'il est à l'AFCA. Je trouve ça assez surprenant, non Florentine, toi qui parlais notamment de dire que les étudiants, tu connaissais des étudiants qui, eux, par exemple, ne savaient pas qu'on pouvait voir effectivement, des... avant l'émission, j'ai demandé à certains amis ce qu'ils pourraient poser comme question à l'AFCA. Et c'est vrai que la plupart ne savaient pas forcément ce que faisait l'AFCA. Enfin, connaissaient, comme on a dit, l'animathèque, enfin, les choses un peu plus... un peu plus grosse qu'on peut voir et qu'on peut entendre comme publicité, même à plus grandes échelles. Mais c'est vrai que pour ce qui est de voir des films ou pour même voilà, pour ben moi qui voilà, j'ai sûrement dit que mon film j'ai sûrement dû cocher la case ou si mon film est vu une fois, je sais pas, pour dans une thématique du viol, puisque bon ben voilà, pourquoi pas dans quelque chose comme ça. C'est vrai que j'aimerais bien être au courant, enfin je serais contente. surtout savoir, voilà, parce que ça. Toi encore, c'est vrai que oui, Florentine est un film d'étudiant, voilà, donc bon, il n'a pas encore, en plus, elle est d'une école qui débute, on va dire, l'école aussi débute, donc c'est pas évident, on n'est pas dans des écoles qui sont rodées à ce genre de choses, et quand on voit, c'est que d'un seul coup, en effet, se dire, c'est pour ça que je prenais l'exemple de Franck Dion et l'inventaire fantôme, c'est que lui, en effet, son film a tourné, et comment on peut savoir si c'est la production? Ça vient de la production, ça vient de l'AFCA, et je pense qu'il serait intéressant pour les gens de savoir, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait, de savoir qu'en effet l'AFCA prend les films et essaye de les porter quand même. Ce qu'on peut faire, c'est le faire savoir sur le principe. Par exemple, on devrait effectivement intervenir dans les écoles pour expliquer ça aux étudiants. Oui, je pense ce que serait ce peut-être serait pas mal. Mais c'est vrai qu'on ne va pas tenir une comptabilité de tout ça, quoi, parce que ça nous rajouterait encore un travail fou. C'est vrai qu'on, moi, j'estimais à peu près que 600 à 700 films par an étaient vus à l'AFCA. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est beaucoup, oui. Certains films ont été vus peut-être 8 à 10 fois et d'autres une fois. Mais bon, c'est vrai qu'il faut qu'on le dise. En même temps, on hésite parfois à trop le dire parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Florentine. C'est que si on le dit trop, tout le monde va vouloir venir voir des films à l'AFCA et on n'a pas le temps matériel finalement de recevoir tout le monde. Quoi. Mmh. Voilà. Oui, mais il est intéressant dans ce cas-là de... Surtout de dire que ça vaut le coup de laisser son film à l'AFCA, ça veut dire que la plupart du temps, même si le réalisateur ne le donne pas, des fois la production, parce qu'il est reçu au Festival d'Auch, etc., et que finalement, des gens, des producteurs, souvent des gens de festival ou des journalistes vont pouvoir le voir. C'est surtout important, à mon avis. Parfois, on monte des films, d'ailleurs, sur des choses beaucoup plus précises, parce qu'on a, je peux vous donner quelques exemples, quelqu'un qui fait un documentaire, qui fait une séquence d'animation, qui cherche des graphismes bien spécifiques, et donc on essaye de lui trouver des choses comme ça. Quelqu'un qui a une séquence d'animation de marionnettes dans un film, dans un court-métrage ou dans un long-métrage, et qui cherche donc qui connaît pas du tout forcément, et donc qui cherche des gens et qui est capable de faire ça, donc on monte des films, etc. Enfin, ça peut être des demandes très très précises comme ça, pour travailler sur une partie d'un clip, ou je donne des exemples que j'ai eu récemment, qui me viennent à l'esprit. Donc ça peut être des demandes qui sont à caractère très professionnel, ou un réalisateur qui est en train de qui a un projet de film et qui se dit j'aimerais faire ça dans tel style graphique, mais je voudrais voir ce qui s'est fait un peu dans ce domaine-là pour affiner les choses, etc. Et ça peut être des recherches aussi précises que ça. À ce moment-là, on essaye d'entendre ce que cherchent les gens et essayer d'approcher au plus près, en tâtonnant, savoir ce qu'ils cherchent. Et voilà. Donc, il y a la possibilité d'un réalisateur de venir, de se dire, voilà, j'aimerais une séquence animée à un moment donné dans mon film. Et d'un seul coup, vous leur donnez les choses les plus intéressantes. Il y a quoi ? Vous leur donnez le mail d'ensuite du réalisateur. Ensuite, on donne les contacts. Comment ça se passe ? Ouais. On donne les contacts des gens, bien sûr. Des ayants droit du film, si c'est pour diffuser le film, bien sûr. Mais aussi des réalisateurs ou des animateurs ou du décorateur du film ou des choses comme ça. Et donc, il y a des exemples ? Oui, il y a beaucoup d'exemples. Mais en fait, les gens à qui on a affaire, la plupart du temps, c'est plutôt des gens qui sont pas vraiment tout à fait dans le milieu de l'animation. C'est des gens qui sont en marge, donc souvent qui viennent de la vue réelle, ou qui viennent des arts plastiques, ou qui viennent qui sont des scénaristes, ou des musiciens. Donc c'est des gens qui sont en marge, qui ne connaissent pas encore très bien le milieu, et qui ont besoin d'une aide. Donc, des producteurs ou des réalisateurs, d'ailleurs, il y a les deux quoi, qui viennent. Donc l'AFCA sert plus aux gens de la prise de vue réelle que des gens de l'animation ? Pas vraiment, mais c'est vrai qu'on est surtout utile pour faire un lien. En fait, c'est exactement la même chose aussi quand on montre des films, c'est-à-dire qu'on essaye de toucher un public qui est en dehors, des lieux qui sont pas non plus complètement liés à l'animation, qui s'y intéressent. Mais aussi, c'est vrai aussi pour les professionnels. On touche beaucoup, on aide beaucoup des étudiants ou des gens qui débutent dans l'animation, et on aide beaucoup des gens qui ont envie de monter quelque chose dans l'animation, mais qui manquent d'informations. Ceux qui sont des professionnels d'animation, qui ont déjà fait 4 ou 5 courts-métrages ou qui travaillent dans les studios de production télé, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup besoin de l'AFCA parce qu'ils ont déjà leur réseau et tout ça, sauf si vraiment ils cherchent quelque chose d'exceptionnel qu'ils n'arrivent pas à trouver. Voilà. Mais la plupart du temps, eux ont moins besoin de nous. Mais on nourrit ce milieu-là, du coup. Alors, on va peut-être justement, on va parler, puisqu'on parlait d'étudiants. On va passer à Florentine. Florentine, toi, tu... Si je t'ai demandé de venir, c'est justement par rapport à des questions que des étudiants ou des jeunes, on va dire, cinéastes pourraient avoir. En fonction de l'AFCA, c'est-à-dire j'ai un projet, vas-y. Quoi. Donc ce serait, comme j'ai pu entendre tout à l'heure, je suis jeune réalisatrice, je dois faire un court-métrage d'anime. Donc c'est vrai que quand on débute, on ne connaît pas grand-chose sur la production, ou même une chose basique pour chercher du matériel. Par exemple, j'ai besoin d'un bon titre. Où est-ce que je vais en trouver un ? Ouais. Donc de ces choses-là. Donc quand est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut ? Parce qu'il y a deux jours dans la semaine. Mais alors voilà, est-ce qu'on doit venir pendant ces jours-là ? Est-ce qu'il serait pas possible d'avoir vraiment des réunions ? Parce que je pense que je suis pas la seule jeune réalisatrice de France qui a ces problèmes-là. Est-ce qu'il serait pas possible finalement de coordonner tout ça finalement et de faire quelque chose d'un peu plus groupé ? Ah oui, pour l'instant, on fonctionne effectivement sur des rendez-vous individuels. Donc on a effectivement pas mal de gens qui sont des porteurs de projets qui viennent nous voir, notamment pour les deux raisons essentielles, c'est des raisons qui sont liées au financement des projets et trouver un producteur. Oui. Mais ça peut être aussi sur des questions de droit, sur des questions de présentation de dossiers, sur collaboration. Je cherche quelqu'un pour travailler avec moi parce que j'ai pas toutes les compétences, etc. Enfin voilà. Là-dessus, on reçoit des gens qu'on conseille le mieux possible. Maintenant, la question, effectivement, de faire des trucs un plus large public, on se pose la question. Oui, parce que c'est vrai que pour monter, par exemple, un projet, c'est vrai que c'est important d'avoir quelque chose de personnalisé, mais je pense qu'on peut faire une présentation générale ou devant des jeunes réalisateurs qui peuvent en plus peut-être après échanger, puisque finalement c'est un peu le même parcours. Enfin, quand on débute, on a tous à peu près le même parcours. Donc, un des projets qu'on a en fait, c'est d'avoir des rendez-vous réguliers, donc tournés vers des professionnels, surtout des jeunes professionnels, mais des professionnels en général, on va dire, où on évoquera par exemple les problèmes des droits d'auteur, où on invitera un producteur à parler de son travail et dire quel genre de gens, de projet il peut chercher, etc. Tout ce genre de choses-là. Ou inviter quelqu'un du CNC qui s'occupe de l'aide au court-métrage, parler de comment on peut présenter le dossier, etc. Les choses à ne pas faire, etc. Voilà. Et aujourd'hui, que le site en plus, on en parlera à la fin, tous les moyens de contacter l'AFCA, le site en étant un, justement, il y a peut-être la possibilité de faire ce qui se fait sur beaucoup de sites, les questions les plus demandées, enfin les plus posées, et de pouvoir dire, même de mettre carrément la rencontre sonore en ligne, ce qu'on fait avec l'émission, ce genre de choses. On peut faire ça, Encore que c'est vrai que je crois que le conseil personnalisé reste important. C'est vrai qu'un projet, c'est un projet qui est singulier. Donc, Je suppose que tu réponds quand même souvent aux mêmes questions. C'est vrai, mais si... Oui, Par exemple, pour les aides, c'est le cas d'ailleurs, la prochaine lettre va être consacrée aux aides sur le court-métrage, donc ça va aider tout très le bien. Monde. Mais c'est vrai que pour ce qui est du conseil sur un projet précis, par exemple pour trouver un producteur, quel producteur ça peut intéresser, ou j'ai des problèmes, je ne sais pas, moi, pour animer mes marionnettes ou des choses comme ça, à qui je peux demander conseil, etc. Ça, effectivement, c'est une demande qui est personnalisée, auquel on peut très bien répondre. Mais ça, il faut venir nous voir, quoi. Ouais, c'est ça, je pense qu'effectivement, en le disant, il y aura de plus en plus de gens. Je pense qu'il y a vraiment pas mal de gens qui aimeraient ce côté personnalisé. Ouais. Et... on a la chance d'avoir un certain nombre de professionnels de l'animation qu'on connaît bien et qui sont prêts à répondre à ce genre de demandes, donner des conseils. Bon, pas trop le dire parce qu'au bout d'un moment ils vont en avoir marre qu'on leur envoie des gens, mais néanmoins c'est vrai et c'est important, ça fait partie de la passation et ça on aide à faire le lien parce que c'est vrai que quand on débute que ce soit les gens qui sortent d'école ou qui soient venus directement en autodidacte, souvent ils sont en recherche d'informations et ils n'ont pas, ils connaissent pas les professionnels et tout ça, et là-dessus on peut vraiment les aider, quoi. Surtout qu'en animation c'est quand même beaucoup plus difficile qu'en prise de vue réelle, il y a quand même moins d'endroits et c'est un tout petit peu plus complexe. On va faire une pause et on va revenir sur la discussion entre Florentine et Olivier. Juste après, eh ben, je vais continuer à ne pas savoir ce qu'on va écouter. Tout ce que j'ai fait, c'est forcément asiatique puisque je vous ai concocté un programme uniquement musical. On va écouter ça et je pense même que ça doit être japonais. On y va. Voilà, on verra bien. Donc, c'est Bulle de rêve, l'émission 100% animation sur Radio Libertaire. Et vous écoutiez, alors ça me permet de faire un petit hommage, il est mort il y a 10 ans, le 20 février, 1996, un hommage à Toru Takemitsu, dont vous venez d'entendre un morceau de musique qu'il avait fait pour le magnifique film de Kobayashi qui s'appelle Harakiri, 1962, avec un superbe Tatsuya Nakadai, absolument incroyable dedans. C'est un des très grands monsieur de la musique de film, Toru Takemitsu. Il a fait aussi la Femme des Sables, magnifique, L'Empire de la Passion, Ran, de Descaden, de Kurosawa, enfin plein de belles choses. C'est un CD qui est édité, c'est tellement rare, ce genre de choses, que c'est absolument extraordinaire. Toru Takemitsu, et on écoutait donc Harakiri. On revient donc à cette émission spéciale AFCA avec Olivier et Florentine. On en était sur ce que peut apporter l'AFCA à des jeunes réalisateurs et notamment au niveau du conseil, au niveau, Olivier nous disait que c'était plutôt une bonne chose qu'il y avait peut-être une, une volonté d'avoir des réunions comme ça avec des professionnels qui parlaient à des jeunes. C'est pas évident parce qu'à l'AFCA, il n'y a pas tellement de place. Ce ne sera pas à l'AFCA. D'accord. Justement, on cherche un lieu qui soit adapté. Je ne sais pas, peut-être ce sera... Je ne sais pas, je ne vais pas citer le lieu parce que pour l'instant... Non, c'était bon, juste... C'est, pour l'instant, c'est un projet. Maintenant, j'en ai parlé à Bulle de Rêve, on va être obligé de le faire. Moi, personnellement, ça me tient à cœur parce que je pense qu'il y a un vrai besoin de ce côté-là. Et c'est important de le mettre en place, bien sûr. Alors, de manière très, très concrète, Florentine vient lundi matin, mardi, non, lundi matin, parce que c'est bon. Je prends rendez-vous. Bonjour, voilà. Florentine. Maintenant, à l'AFCA, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme concrètement, par exemple, elle parle des techniques, je trouvais ça intéressant en disant j'ai besoin d'un banc-titre, où est-ce que je peux le trouver? Est-ce que ça, c'est des questions sur lesquelles l'AFCA peut répondre? Alors, je ne serais pas capable de répondre où elle va trouver un banc-titre. Le seul moyen de trouver un banc-titre aujourd'hui, c'est de passer une annonce, alors qu'elle peut passer une annonce sur le site de l'AFCA, par exemple. Voilà. Mais là, les banc-titres, c'est toujours un vrai problème de trouver un banc-titre. Il n'y en a pas tant que ça. Et malgré tout, il y a pas mal de gens qui veulent les utiliser. Donc, on n'a pas une adresse où on va trouver un bon titre, quoi, c'est clair. Mais, alors, pas forcément le bon titre, là, c'est un peu particulier, mais au niveau technique, par exemple, quel logiciel acheter, quel ceci, enfin, ce genre de petites choses où on se dit, est-ce que je prends du Flash, est-ce que je vais prendre un autre logiciel, ou comment je vais faire pour faire ma marionnette, qu'est-ce que je prends comme matériaux pour faire cette marionnette. Alors, nous, on va répondre à des choses assez basiques. Le point de vue technique, par exemple sur les conseils du choix de la technique, des choses assez générales, on va dire. Après ça, quand ça rentre sur des choses beaucoup plus pointues, par exemple, j'ai tel problème sur Flash ou tel problème d'articulation de la marionnette et tout ça, nous, ce qu'on va pouvoir faire, on n'est pas capable de répondre sur toutes les questions techniques, c'est évident, quoi, on n'est pas des spécialistes de ça. On va lui dire à Florentine, tu as un problème là-dessus, tu vas prendre contact avec un tel. Et un tel va te répondre parce que lui, il connaît très bien la question et il donnera la bonne réponse. L'autre solution, effectivement, c'est de poser la question sur des forums où ce genre de questions sont traitées, comme Foodanime, par exemple. Mais on peut aussi, nous, on a la capacité de dire, tu as un problème même très pointu technique, tu vas pouvoir t'adresser à un tel et lui, il va te répondre. Il y a un vrai réseau tissé par l'AFCA avec ses adhérents et des réalisateurs, des producteurs, ce genre de choses. Est-ce que les producteurs sont à l'écoute de l'AFCA, par exemple, si Florentine, ou encore une fois, on prend Florentine parce qu'elle est là, mais si un jeune réalisateur, même qui a fait son premier cours d'ailleurs, qui a un peu marché, mais imaginons, Jérémy Clapin est venu, bon, il s'en est occupé, mais imaginons, quelqu'un comme Jérémy Clapin fait son premier cours, la boîte n'est plus là, et imaginons, il recherche où il veut chercher autre, est-ce qu'il s'y vient à l'AFCA, il va avoir des pistes par rapport à ce qu'il cherche pour peut-être le bon producteur, ce genre de choses. Ça n'a pas marché forcément pour autant, mais on saura en fonction du projet que ça, c'est susceptible d'intéresser tel ou tel producteur et pas d'autres producteurs. Ah, maintenant, ce qui est très compliqué en animation, c'est qu'il y a des tas de gens, il y a des producteurs qui sont très identifiés, qui produisent du court-métrage d'animation, on les connaît. On connaît leur ligne éditoriale, on va dire. On sait combien il y en a de producteurs, à peu près? Oh, il y en a 15-20, quoi, quelque chose comme ça, pas beaucoup plus que ça. C'est énorme. Mais il y a aussi des gens qui, ponctuellement, vont produire des projets qui peuvent être dans la vue réelle, produisent du court-métrage de vue réelle, mais aussi des gens qui sont dans des studios qui produisent essentiellement pour la télé. Régulièrement, les producteurs qui produisent pour la télé sont amenés à produire des courts-métrages, simplement parce qu'ils ont des fonds pour ça, auprès du CNC. Donc, de temps en temps, ils choisissent un projet. Donc, on sait jamais. On donne des pistes qui semblent pour nous les plus évidentes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se limiter à ces pistes-là. Florentine, tu avais d'autres questions à poser à Olivier, méchante? Non, mais déjà, maintenant, ce qu'il y aura des réunions, si ces réunions se font, je pense que ce sera une très bonne chose. Après, effectivement, nous orienter vers des producteurs, là aussi, c'est vraiment. Parce que, quand on ne sait pas forcément à quel producteur donner le projet. Est-ce qu'il y a eu des aides, par exemple, pour le scénario, par exemple, un suivi, si on arrive avec un projet, est-ce que le projet sera vraiment lu, est-ce qu'il y aurait peut-être des conseils, mais vraiment très concrets sur le projet. Le suivi des projets. Voilà, est-ce que... Oui. Est-ce que ça existe? Oui, avec des guillemets, parce que c'est un scénario, donner un conseil sur le scénario, ça demande quand même beaucoup de travail. Oui, voilà. Ça m'arrive de le faire, D'accord. Mais il ne faut pas que tous les jeunes réalisateurs arrivent avec les dossiers monde, à lire. Ce qui est intéressant, parce qu'on en a parlé. Encore une fois, c'est un problème de moyens humains. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est d'accord que, parce on avait ce début, heureusement pas, enfin il y a des choses qui nous viennent, mais c'est vrai qu'on avait cette longue... ce long mail de donc Jean-François Faure qui était au départ mis sur le site de l'AFCA et ensuite était mis sur le site de Foodanim où justement il demandait par exemple qu'apporte l'AFCA à ses adhérents. Je sais il y a des différentes réductions ou la gratuité pour l'Animatech, bon dans son cas il est à Bordeaux donc en effet il voyait pas quel monde. Donc pourquoi par exemple adhérer, lui fait des parallèles avec la maison du film court à séquence 7 que je ne connais pas, qui est l'union qui dépend de l'union des scénaristes, et il dit voilà la maison du film court présente différentes aides concrètes, assistance par des comités de collecture dans l'écriture des scénarios, apprendre à présenter un dossier qui tienne la route auprès des commissions CNC, etc., etc. Il y a plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est plus compliqué. Donc, moi, je trouve ça intéressant de poser. Et je trouvais que la réponse, par exemple, de C, qui est donc l'un des, le responsable, on va dire, Foodanim, et qui est quelqu'un qui s'est investi beaucoup dans l'animation, dit par exemple, en effet, moi, ce que je n'avais pas, c'est que rien que la maison du cours, ils sont 7. D'après ce que je disais, donc déjà... Et c'est leur seule activité, parce que nous, c'est une activité parmi d'autres, parmi beaucoup d'autres, et on est 3. C'est moi qui fais ce travail-là, et c'est quand même une petite partie de mon activité. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il y a quasiment toutes les questions qui étaient posées, parce qu'en plus du forum public, créer une liste de discussion réservée aux membres, une mise en relation réelle entre les différents membres en dehors de l'Assemblée Générale, apporter une aide, ce que demandait Florentine, un conseil, un œil aux différentes étapes d'un projet d'animation, des ateliers de préparation à certaines étapes de la vie d'un scénariste, réalisateur ou producteur débutant. Tout ça, en fait, c'est en germe et c'est dans l'AFCA. Le problème aujourd'hui, c'est plutôt un problème de budget quoi, et humain. Ouais. Alors peut-être la bonne solution, justement, pour le suivi des projets, ce serait d'arriver à mobiliser 2-3 professionnels qui acceptent de faire ce travail-là et de servir de conseil, de parrain pendant un moment donné. Peut-être, c'est peut-être une suggestion intéressante à suivre et qu'on pourrait essayer de mettre en place. Et je vais essayer. Et est-ce que l'idée aussi, puisque toujours dans cette lettre, Jérôme Boulbès, qui est l'un des membres de l'AFCA, qui est même l'un des... au conseil d'administration de l'AFCA, répond par points. C'est très intéressant, il faut aller sur le forum du site de l'AFCA et répond en disant pas dans nos moyens financiers, par exemple, sur un poste informatique. Désolé, mais je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que lui donne, il dit, en effet, par exemple, que pour la communication, pour... la mise en relation réelle entre les différents membres en dehors de l'Assemblée générale, il dit que c'est effectivement un point sur lequel il y a de gros, en majuscule, progrès à faire. Je pense que ce serait vraiment sympathique, de toute façon, c'est ça, de se rencontrer en vrai. Mais est-ce que l'idée, c'est pas de laisser... C'est ce qui s'est passé. Richard Vandenboom, qui est un producteur, Papy 3D, notamment, j'espère un jour recevoir pour justement parler de Papy 3D qui n'a pas pu venir ce soir pour poser les questions, mais justement a rebondi là-dessus sur Foodanim et maintenant il y a des jeudis ce qu'on appelle les apéros animés qui est une fois par mois et qui pour l'instant est assez informel mais qui je pense peut petit à petit justement être un point en plus. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans ce qui est fait? Alors, c'est vrai que je pose une question où je donne un peu la réponse pour moi, mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans le fait de vouloir dire il faut que l'AFCA fasse tout, il faut qu'un tel fasse tout, il faut que Foodanim ne fasse que ça, que Katsuka, qui est un autre site, fasse que ça, que The Web Anime, qui est mon site, fasse que ça, que je ne sais pas, moi, que tous les sites? Est-ce qu'en fait, ce n'est pas une vraie relation à mettre tous ces gens-là? Et surtout dans l'anime, est-ce qu'il n'y a pas besoin de tout le monde et non pas de croire qu'une seule personne ou une seule association peut faire tout pour tout le monde? Non, mais d'ailleurs, nous, on n'est pas capable de tout faire du tout et c'est pour ça qu'on dit qu'on est avant tout un réseau et on se repose sur les autres. C'est exactement comme la fête du cinéma d'animation, je veux dire. Dans la fête du cinéma d'animation, on organise une soirée, point. Le reste, c'est les autres qui le font, mais on les aide. Et ben, pour ce genre de choses, c'est un peu pareil. Nous-mêmes, on va renvoyer les gens vers les gens compétents, éventuellement demander directement les informations. Enfin, l'important, c'est de pouvoir utiliser toutes les compétences. Et l'AFCA a la chance d'avoir ce rôle, un rôle un peu fédérateur, on va dire, et lieu un peu ressource qui permet de faire vivre ce réseau. On pourrait comparer l'AFCA à une espèce de portail. Sur un site internet, portail de l'animation, où d'un seul coup on arrive à l'AFCA, on appelle, on fait ben voilà, j'aimerais avoir un renseignement technique, et puis aller sur Foodanim ou aller appeler Jérôme, appeler réalisateur, voilà, c'est ça. Voilà, beaucoup, oui, sur Agraf aussi, qui est auteur groupé de l'animation française, qui est une association d'auteurs et qui offre beaucoup d'informations. Et donc par rapport à des associations comme qui était mise en cause, hein, par rapport à leur séquence 7 que je ne connais pas, la maison du cours, ce genre de choses. La maison du cours, par exemple, quand ils ont des projets, bah, eux, ils suivent vraiment les projets. C'est vraiment un travail. Leur activité, c'est d'aider les projets à se faire complètement. Mais parfois, sur l'animation, ils sont un peu courts. Donc, à un moment donné, ils nous envoient les gens à l'AFCA. Il y a un complément d'information qui se fait. On travaille très bien avec la maison du film court comme ça. Parfois, moi, j'envoie les gens sur la maison du film court parce que c'est des questions qui relèvent plus des compétences. Alors, à un niveau purement budgétaire, le problème, c'est que, je vais me faire l'avocat du diable, maison du film court, 60 euros l'adhésion, séquence 7, là, toujours Jean-François Faure qui parle, 50 euros, pareil pour l'AFCA, ça fait d'un seul coup un budget un petit peu important pour être sûr d'avoir toutes les informations, pour être un peu partout. Oui, bah oui, c'est vrai, mais bon, ça ne me paraît pas non plus des sommes astronomiques sur une année. Bon, c'est pas négligeable non plus. Mais, pour aller pour Florentine, par exemple, ça fait beaucoup. Je paye que 20 euros à l'AFCA. Je ne sais pas s'ils ont des tarifs étudiants, mais... À la maison du film court et dans d'autres. Oui, est-ce que quand même, si on vient frapper ou on envoie un mail à l'AFCA et on n'est pas membre, on a le droit quand même à des choses, on vous dites, ou bon, vous faites, je suppose, passer les adhérents en priorité, mais est-ce que si quelqu'un, est-ce qu'à chaque fois qu'on t'envoie un mail, tu regardes vite sur la base de données pour dire, ah, il n'est pas adhérent, donc... Évidemment, je réponds, quand les gens viennent, je réponds, etc. Là où on commence à se poser la question, c'est quand il y a une demande qui est un petit peu lourde, quoi. Quand quelqu'un prend un rendez-vous pour avoir un conseil sur un projet ou qu'il veut visionner des films, on lui dit, bah, d'accord, mais va falloir payer un petit quelque chose. Bon, jusqu'à peu, ce n'était pas le cas. Hein. C'était ouvert vraiment à tout le monde. Mais on est bien obligé de marquer des limites. Et puis, bon, nous aussi, il faut quand même qu'on rémunère un peu notre temps de travail parce que c'est aussi beaucoup de temps passé, quoi. Florentine, tu avais d'autres questions dans ta longue liste où on a déjà répondu à beaucoup de choses. Je pense que le site pourrait peut-être plus développé. Par exemple... Bon, pour ceux qui travaillent ou ceux qui cherchent des stages, par exemple, chose concrète, pareil, si je sors de l'école, je cherche du travail, je pense que sur le site de l'AFCA, il devrait y avoir vraiment des petites annonces à la limite. Les petites annonces de travail, on devrait les trouver là. Mais ça va venir. C'est vrai que c'est... Bon, c'est un peu nouveau, le forum de l'AFCA. Il existe depuis le mois de septembre, donc les gens ne connaissent pas encore. Le renouveau du site de l'AFCA, on va dire. Non, mais avant, on n'avait pas de forum. Voilà. C'est vrai, le forum, tout à l'heure. Et c'est sur le forum que ce genre de choses-là peuvent se passer. Alors, il commence à y avoir quelques annonces. Il faut que les gens prennent l'habitude, je crois que c'est surtout ça. Donc, il faut qu'on en parle, il faut qu'on leur rappelle, etc. Et je pense que ça va venir petit à petit. Hein, mais il faut que nous, effectivement, on rappelle aux gens qu'il faut... Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de la part de... Quand on regarde le... Hein, encore une fois, là, on passe à une deuxième partie. C'est vrai que là, depuis 10 minutes, on en parle un peu plus. C'était ces longs mails, on va dire, sur le forum à la fois de Foodanim et de l'AFCA. On se rend compte quand même que les gens... se rendre compte, pardon, qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, la phrase qui revient le plus souvent, c'est Sarah, que vous avez entendu ici, la réalisatrice de Novecento, qui dit « Je pense que l'AFCA fait au mieux avec peu de moyens. » Je pense que tout le monde s'en rend compte. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi, à force de mettre en avant ce peu de moyens, un peu pas une désillusion, mais un petit peu en disant « De toute façon, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour moi, il n'y a pas beaucoup de moyens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?» Mais on veut obtenir davantage de moyens. Mais c'est vrai qu'on a choisi une option qui est très généraliste à l'AFCA. Parce que des groupes comme l'AFCA, il en existe dans d'autres pays. Hein, et on est en contact avec eux. L'équivalent de groupe Asifa dans différents pays. Et je me rappelle, on parle de Sarah, je me rappelle que quand elle est venue me voir à l'AFCA, elle m'a parlé d'Asifa Est. Elle avait rencontré des représentants donc c'est la côte Est des États-Unis basée à New York. Elle les avait rencontrés à Ottawa. Et qui, eux, effectivement, ont une action qui est essentiellement tournée vers l'aide aux professionnels. C'est le principal de leur action. Il y a même des groupes Asifa, comme celui d'Hollywood, qui est pratiquement un syndicat. Oui, c'est ça. Il faut comparer. Est-ce que c'est des... On en parlait justement avec Richard jeudi lors du dernier opéro animé, qui nous parlait lui aussi de la CIFA. Je disais oui, mais bon, la CIFA aux États-Unis, d'abord, c'est pas les mêmes nombre de membres. La CIFA, c'est comparable, c'est même plus petit que l'AFCA. La CIFA Hollywood, c'est quelque chose de monstrueux, mais c'est quelque chose de monstrueux parce qu'en fait, les studios payent l'adhésion de leurs membres. C'est comme un peu un syndicat, on va dire. D'accord. Donc, il y a 2600 membres, quelque chose comme ça. Donc, c'est le plus gros groupe Asifa au monde. Mais ça ne veut pas dire grand-chose non plus, parce que... Et donc, la volonté de la Asifa, par exemple, New York, enfin, de la côte est des États-Unis, plus professionnelle, pourquoi... Quelle est des raisons historiques, je pense. Mais ils font aussi une action, une partie d'action culturelle, on va dire, mais moins développée que nous, quoi. Bon, c'est un problème de choix. Je pense que c'est aussi important d'organiser des choses pour faire découvrir l'animation au public. On essaye d'avoir un équilibre entre les actions. Non, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense que l'AFCA, ces dernières années, ça c'est ma conviction personnelle, hein, tout le monde ne la partage pas forcément. L'AFCA, ces dernières années, a davantage tourné son action vers la promotion du cinéma d'animation et peut-être pas assez vers l'action auprès des professionnels. Et moi, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est d'essayer de retrouver un équilibre de ce point de vue-là. Il y a un certain nombre de pistes, on en a évoqué quelques-unes. Ça me semble très important parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte que même dans l'équilibre des membres de l'AFCA, on se rend compte qu'on a de plus en plus de cinémas, de médiathèques, de diffuseurs, de festivals, des gens comme ça, et plutôt moins de professionnels. Donc, c'est pas normal, quelque part. Est-ce que c'est quelque chose qu'on reproche à l'AFCA, hein, qu'on va dire, d'Assolou, de prendre position, qui n'est peut-être pas vrai, mais par exemple, plus pour un cinéma d'auteur que pour un cinéma d'animation de la télé, par exemple, de ne pas prendre de l'argent comme fait le CNC. Le CNC, en gros, autre chose que quelque chose de gouvernemental, mais le CNC, finalement, prend de l'argent... J'allais dire aux plus riches pour dire aux plus pauvres. N'exagérons pas. Le CNC est loin d'être le Robin des Bois du cinéma. On l'a dit tout à l'heure, c'est quand même une belle mafia. Gentille, hein, pas méchante, mais quand même une belle mafia, le CNC. Donc n'exagérons pas le Robin des Bois. Mais quand même, il y a notamment ce qu'on permet aujourd'hui, en effet, genre d'avoir un film comme Lady Chatterley, qui je pense ne serait pas forcément produit n'importe où. C'est fait aussi avec l'argent des Bronzés 3 et ce genre de choses, puisque le billet du CNC est coupé en trois. Mais tout ça est pourquoi l'Afghan ne prendrait pas de l'argent de la télé, des productions télé. C'est déjà le cas par le biais du CNC, par le biais de la SACD, par exemple. Comment ça fonctionne ? Eh ben, il y a des budgets qui viennent justement de la diffusion des films, des ressources qui sont générées par la diffusion des films sous les formes les plus diverses, DVD, diffusion télé, sortie en salle, etc. et qui sont redistribués à des gens qui sont plus dans l'action culturelle, on va dire. Et c'est le cas avec le CNC, c'est le cas avec la SACD. Donc nous, effectivement, on peut considérer qu'une partie du budget de l'AFCA vient des entrées en salle des longs métrages de Pixar ou de DreamWorks, vient de la diffusion à la télé de séries télé, etc. Mais aussi, quelque part, on aide à nourrir tout ça. Enfin, on aide à ce que l'animation soit reconnue, on aide des professionnels à rentrer dans ce domaine-là, etc. Enfin, voilà. Mais ce n'est pas quantitatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire le CNC, on ne peut pas avoir une proportion. C'est une somme globale, évidemment. Mais par exemple, le cas de la SACD est un cas intéressant. La Société des auteurs compositeurs dramatiques, donc ils gèrent les droits d'auteur, on va dire, qui sont générés par les œuvres. L'animation, ça représente quelque chose d'énorme à la SACD. Il y a énormément de droits qui sont générés par ça. Et en fait, jusqu'à, il s'était rendu compte que il réinvestissait pratiquement rien dans l'animation. Parce qu'il y avait la personne qui s'occupe aujourd'hui, qui a dû changer, mais qui s'occupe de l'animation, qui s'occupait de l'animation. Il y a un administrateur depuis peu. C'est ça. À la SACD, mais ça a été créé à 3-4 ans. Parce qu'avant, c'était, je crois, le cirque et l'animation. Enfin, il n'y avait pas un mélange comme ça. Il n'y avait rien de spécifique à l'animation. Voilà, mélange entre les deux, l'animation étant pour les enfants, c'est comme le cirque. Ça, c'est un de toute façon, ils ne vont pas nous embêter. On leur donne un peu d'argent, c'est déjà bien. Donc, parce que c'est délirant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore eu le CNC. Alors ça, dès qu'il y a pour l'animation, ils aiment bien. L'animation représente énormément d'argent au niveau des télés. Enfin, des ventes à l'export, surtout notamment. Surtout sur la télé, ouais. C'est 30 à 40% des exportations d'œuvres audiovisuelles, l'animation. Donc il serait intéressant. C'est énorme. Il serait intéressant que des horreurs comme. Qu'est-ce qu'on a vu d'aller les trois petites femmes, là, je ne sais plus comment elles s'appellent. Totally Spies. Les Totally Spies, par exemple, plutôt les enfants sont obligés de regarder. En fait, avec plaisir, les enfants ont changé, il faudrait leur enlever ça. Ça serait bien que ces produits très moyens, quand on voit des choses assez extraordinaires comme Lila Lili même, ou des choses comme ça qui sont les devinettes de Renette, alors qui sont plus pour les petits, là, c'est vrai qu'on est plus pour les petits, mais puissent donner de l'argent, justement. Qu'est-ce qu'on fait si on est producteur? Un producteur indépendant, il vient à l'AFCA. C'était la question de Richard, qui ne peut pas être là encore une fois, mais qui disait, voilà, moi je suis producteur, l'AFCA ne me sert à rien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, après tout, pourquoi pas? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que non? L'AFCA peut servir à des gens qui ont plus la volonté d'argent, mais forcément donc de produire des films. Ça dépend ce qu'il cherche. Mais par exemple, s'il est à la recherche de projets, qui me dit, moi j'aimerais bien, ce genre de projet m'intéresse, je peux lui lui envoyer des gens, je sais précisément ce qu'il cherche. S'il est sur un projet et qu'il cherche des stagiaires, je peux lui envoyer directement des stagiaires avec un profil particulier. À quoi je peux lui servir? Je vais lui servir en assurant la promotion des œuvres qu'il produit aussi, qu'il ne faut jamais oublier, ce qu'on fait beaucoup. Et, comme si la finalité du producteur était simplement de produire des œuvres. Certains pensent vraiment à la promotion de leurs œuvres, mais certains autres l'oublient un petit peu, malheureusement. Alors, on fait une nouvelle pause musicale, on revient après avec la spéciale AFCA. Et là, je sais ce que c'est, j'en suis sûr. Vous allez entendre une superbe musique de Joe Hisaishi, L'été de Kikujiro, un film de Kitano. On écoute. Et voilà, vous l'avez en tête pendant toute la soirée. Tout demain, c'était la musique de L'été de Kikujiro, le très beau film de Kitano par Joe Hisaishi. Joe Hisaishi qui est évidemment connu pour, en tout cas dans le milieu de l'animation, notamment pour ses musiques pour Miyazaki, bien sûr, en plus de celle de Kitano. On parlait, or je me suis rendu compte, j'ai oublié quelque chose au niveau des composants de l'AFCA. C'est les administrateurs, il y en a combien? En ce moment, il y en a 11. Vous voulez des noms? Non, mais plus que des noms, j'aimerais, ce que tu as dit tout à l'heure est intéressant, j'aimerais, parce que c'est des gens qui vont prendre des décisions par rapport à l'AFCA, ils font quoi ces 11? Parce que tu disais qu'il y avait plus de gens finalement qui étaient du côté justement des distributeurs ou des choses comme ça, diffuseurs. Dans les administrateurs, pas vraiment. Enfin, donc il y a un certain nombre de professionnels de l'animation. Donc il n'y a pas longtemps, on avait Florence Mia et Jérôme Boulbès, ouais, qui sont tous les deux au conseil d'administration, mais il y a aussi O.L. Kawissin qui travaille plutôt dans le domaine audiovisuel, plutôt ouais, pour la télé fait. Que pour très grand pédagogue aussi, un très beau site, ouais, un jour un très beau site, là hein. Je pense qu'il doit être en lien, moi il est en lien sur aussi, un lien sur tous les sites. C'est vraiment pour ceux qui connaissent rien en animation, c'est assez passionnant pour les premiers pas, on va dire, dans l'animation. C'est des très bonnes fiches pédagogiques. Voilà, il y a Jean Rubac aussi, qui est aussi enseignant d'ailleurs, réalisateur et enseignant. Et Denis Weikenwitz, le président de l'AFCA, qui est quelqu'un qui a un petit peu brassé, qui est à la fois à la fois réalisateur, aujourd'hui il travaille sur la production de Persepolis, il a fait aussi des ateliers, de la diffusion culturelle aussi, enfin, il y a un peu tous les aspects. Puis il y a des gens qui sont plus dans la diffusion, je ne sais pas, j'ai oublié personne. Yves Bouvray, par exemple, Festival d'animation des Val-d'Oise, ou ouais. Philippe Caillé, Ciné 32 à Auch. Et puis, alors des gens qui sont un peu... quelqu'un comme Annie Lissot, par exemple, elle est entre la musique et la création en animation, donc c'est aussi une professionnelle, mais avec un autre point de vue, on va dire. Qui j'ai oublié comme profil, Annabelle, on a parlé d'Annabelle, ouais. Hein, qui est plutôt elle, dans la diffusion de films. Nicolas Bélanger, qui lui a été formé à l'ENSAD, mais qui essentiellement fait des ateliers pédagogiques, des choses comme ça. Donc on a, en fait, c'est assez équilibré, je trouve. On a des points de vue assez différents. C'est assez riche, de ce point de vue-là. Et donc, c'est assez passionnant, parce qu'il y a des gens en plus qui viennent d'un peu partout en France. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté, soi-disant, très parisien d'absolument avoir. Parce qu'il y a quoi ? Il y a le pays de Val-de-Loire, il y a pas mal de choses complètement différentes. Oui, Daniel Valkenvit, est aujourd'hui parisien, mais enfin, il vient de la région Centre. Philippe Caillé, d'Auch. Jean Rubin, qui enseigne à Poitiers, même s'il vit à Paris. Alors, il y a des associations, Florentine le rappelait, notamment, il y en a une qui est dans le CAM, hein, K-A-A-M, le site internet c'est www.kam2am.fr, j'espère que vous m'avez compris, sinon toutes ces situations sur le forum, notamment, bien sûr, de l'AFCA. Il y a des points comme ça qui relient, on va dire, et qui relaient le message de l'AFCA dans toutes les régions. Ouais. Et là-dessus, c'est vraiment bien. C'est quelque chose qui a beaucoup changé ces dernières années. On a vraiment des associations qui, régionalement, sont un peu des relais de l'AFCA. Alors, ils ont tous un peu leur spécificité. Hein. On pourrait citer, effectivement, il y a CAM en région Rhône-Alpes, puis il y a la ménagerie à Toulouse, par exemple. Enfin, il y en a un certain nombre. La Rosoir à Émile, en Bretagne, qui souvent, d'ailleurs, sont des coordinateurs régionaux de la fête du cinéma d'animation, mais qui ont aussi une action... alors qu'il peut être tourné vers des professionnels, et parfois carrément de production, souvent aussi de diffusion des films. Mais bon, ils ont tous leurs spécificités, mais l'idée est toujours un peu la même, quoi. Parfois des lieux ressources aussi. Et tout ça forme un réseau, en tous les cas, dont le centre est l'AFCA. Alors après, nous, on essaye de pousser à ce qu'ils aient aussi des rapports entre eux, des échanges entre eux. Mais voilà. Est-ce que c'est des choses intéressantes? Par exemple, c'est celle, hein, c'est Pierre Dron qui c'est le petit dernier. Publie voilà pas mal et qui est très, très efficace, dont on entend beaucoup parler, qui notamment produit, mais je ne sais pas si c'est avec Kim ou avec... je mélange un petit peu avec Cellophane qui doit être par contrainte. Il a un pied aussi chez Cellophane qui est dans le Nord. Qui est dans le Nord, c'est ça. Avec donc production notamment, production de David Myriam, qui est un jeune réalisateur. Alors, sur le sable. David Myriam, c'est Kim, c'est Rhône-Alpes. D'accord. Donc, c'est des gens qui sont... C'est-à-dire qu'une association aujourd'hui peut se créer, peut d'un seul coup se relier, se relier à l'AFCA. Est-ce qu'il y a à un moment donné une possibilité d'avoir vraiment quelque chose d'assez fort au niveau... On reparle du CNC, parce qu'évidemment, on parle beaucoup du financement et surtout de l'humain. Est-ce qu'il y a possibilité d'un seul coup d'avoir, pas un syndicat, mais c'est vrai que j'essaie de retrouver... c'est toujours... Jean-François Faure qui parle notamment d'un syndicat puissant qui est l'UGS, mais qui est uniquement pour les scénaristes. Ouais, alors, il dit qu'il arrive à faire plier les ministres de la Culture, je ne sais pas comment, mais voilà, il arrive à faire plier, mais incroyable. Dans l'animation, on n'arrivera jamais à faire plier Pourquoi ? Un ministère. Non, néanmoins, la question du syndicat est une question intéressante. Aujourd'hui, en animation, on a un syndicat des producteurs d'animation, mais c'est un syndicat qui regroupe essentiellement des producteurs pour la télévision. Et pourquoi il n'y a pas de lien entre l'AFCA et ce syndicat qui est, rappelle-moi, le S... Alors là, SPFA. SPFA de Christian Davin, c'est ça, hein ? Voilà, donc, le président est Christian Davin. Alors là, je mesurais mes mots, on va dire. On écoute. Non, il y a... Il y a eu plus de liens à une époque qu'il y en a aujourd'hui. Et on est les premiers à regretter l'absence de lien avec le SPFA. Je pense simplement qu'il n'y a pas la volonté du SPFA d'avoir de lien avec l'AFCA parce qu'ils pensent que c'est une action marginale et qu'il ne les concerne pas tellement. Et je trouve ça assez regrettable parce que je pense qu'on pourrait faire des choses ensemble. On a fait une chose ensemble qui est une chose importante et qui est l'animannuaire. Oui, ça en est où l'anime annuaire? On ne refera pas l'anime annuaire, d'abord parce qu'on n'arrive plus à travailler avec le SPFA, et ensuite parce que c'est vrai qu'éditer un livre, c'est compliqué, parce qu'une fois qu'on l'a édité, déjà, on a 20% des informations qu'ils ont périmées, ce qui est quand même un problème. Donc l'idée, c'est de développer sur le site une partie plus détaillée, parce que pour l'instant, on a uniquement les adresses des producteurs, des studios, des écoles et tout ça. Et on va essayer de développer cette partie-là. Alors, bon, ça demande quand même du temps, du travail, mais une partie de l'anime annuaire, on espère le mettre sur le site, en fait. D'accord. Comme ça, ce sera un truc mis à jour très, très régulièrement. Donc le syndicat, on revient sur cette idée voilà, de syndicat. Syndicat des producteurs de films d'animation. Et puis, on peut dire qu'Agraf joue un petit peu un rôle de syndicat, ou en tout cas de collectif d'auteurs, en contrepoint, on va dire, de SPFA, quelque part. Hein. Donc les auteurs en animation, il y a une définition par la SACD, c'est les réalisateurs, les scénaristes et les auteurs graphiques, ce qui est spécifique à l'animation. Donc voilà, ce groupement-là, permet aussi d'avoir une action, en tous les cas de lobbying, comme le ferait un syndicat. Alors, l'AFCA dans tout ça, je pense pas que ce soit son rôle. Peut-être qu'il faudra un syndicat de professionnels. Mais vous savez, les professionnels de l'animation, c'est des gens qui sont quand même très individualistes. C'est ça. Est-ce qu'il y a pas ce problème de ces gens qui finalement, pas tous, hein, de moins en moins, mais font quasiment leurs films tout seuls, ou en tout cas à peu, et se disent qu'après tout, ils n'ont pas besoin, et comme ils savent que leurs films... va pas forcément non plus faire le tour du monde, ça va rester dans un milieu. Est-ce qu'on n'a pas cette volonté de rester dans ce petit milieu fermé comme oui, c'est très cocooning. Voilà, c'est ça. C'est marrant. Même si, finalement, les professionnels voyagent beaucoup d'une structure à une autre. Mais c'est quand même un tout petit milieu. Et on fonctionne beaucoup par réseau, par interconnaissance et tout ça. Donc, quelque part, ils n'ont pas tellement besoin d'autre chose, quoi. Donc, c'est surprenant d'un seul coup de vouloir absolument que l'AFCA, par exemple, résolve tous les problèmes, ou pas que l'AFCA, hein, que l'AGRAF, par exemple, puisse résoudre. Alors, c'est vrai est-ce qu'on sent pas forcément du côté aussi des professionnels, comme tu dis, une volonté d'un seul coup de se réunir, que je peux comprendre, encore une fois, dans le sens où, après tout, vu comme on parle de l'animation dans la presse, comme on en parle un peu partout, après tout, pourquoi tenter des choses, autant rester entre même personnes, ouais, dont des apéros, des choses comme ça, qui finalement regroupent pour être sûr d'être avec... Il y a un petit côté ghetto, ouais, qu'on se crée soi-même, un peu comme sont créés des ghettos comme ça, pour essayer de parler de choses. Alors, c'est de l'animation, c'est moins grave que certains autres ghettos, on va dire, qui sont obligés de se mettre absolument entre eux, parce qu'on parle pas du tout d'eux, ou très mal, enfin, ou qu'il y a des vraies discriminations à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça, quand même, dans le monde de l'animation, hein. C'est-à-dire que souvent, les gens qui travaillent dans l'animation, il y a beaucoup qui sont à la fois des auteurs et des techniciens. Ça dépend un peu des tâches, des moments de leur vie professionnelle, on va dire. Mais néanmoins, je pense qu'il y a quand même un manque du côté des... Alors, sans parler des auteurs, de parler des techniciens de l'animation, on va dire, qui sont aussi des créateurs, mais qui ne sont pas des auteurs au sens strict du terme. Ils nous parlent souvent des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur domaine professionnel, et c'est vrai que peut-être qu'il manque encore une structure de ce point de vue-là qui regrouperait des professionnels de l'animation avec qui on travaillera très bien, nous, mais c'est pas notre rôle de faire ça, je pense. On travaille très bien avec Agraf, par exemple. Oui, j'allais dire les relations sont très bonnes. Je pense qu'on va organiser quelque chose avec eux dans le cadre d'Oche. Il serait intéressant de voir un peu plus que l'Agraf, finalement, non, est né il y a quoi, il y a un an et demi à Annecy, c'était pas cette Annecy-là, ou deux ans et demi maintenant, ça, ouais. Enfin, ouais, il y a quelque chose comme ça, je sais que c'était à Annecy. On entend assez peu parler, quand même. Ben non, parce que ça concerne essentiellement les auteurs de l'animation, donc voilà. Mais ils organisent, ils sont très actifs, ils organisent, d'abord il y a un forum qui est fermé, mais qui concerne tous les membres, et ils organisent très régulièrement des rencontres à la maison des auteurs, donc il y a autour de projets, des rencontres d'information et tout ça, ce qu'on évoquait d'ailleurs. Florentine, tu peux aller aux rencontres d'Agraf aussi. Je ne connaissais pas Agraf. Voilà, comme quoi, auteur groupé de l'animation française. Non, je crois pas que je vais... Même dans les discussions qu'on a pu avoir sur les forums, je ne sens pas que ça ait Non, été, c'est quelque chose qui est assez peu... Ça n'a pas du tout assez, été relevé. C'est assez nouveau. Ouais, et voilà. Là aussi, il y a un problème de communication, probablement, certainement. Oui, c'est à nous de peut-être aussi d'aider à Agraf à communiquer sur leur travail. Mais j'irai voir ça tout de suite en rentrant. Alors, allez, une dernière pause musicale, une avant-dernière pause musicale. Mais non, ce qu'on va faire, c'est que je ne sais pas combien de temps il nous reste, une dizaine de minutes. Voilà, je regarde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement... On a commencé avec une reprise de Son of the Time de Prince, un peu bizarre. Donc, on va passer... ce qui doit s'appeler Le Dernier Empereur, je voulais vous passer, parce qu'après tout, Ryuichi Sakamoto, on le mettra dans ce cas-là en, enfin, et on passe à celle qui doit être juste après, qui doit s'appeler le roi singe. Oui, hein, je suis un peu là, je suis dur avec, je suis désolé. Mais on prend notre temps, c'est bon, t'inquiète pas, on est... C'est bon, on est sur le roi singe, donc on écoute le roi singe, c'est une version très bizarre, vous allez voir, un classique. Pour ceux d'entre vous qui s'étaient endormis au cas où, pas d'être venu. Une version d'Unlio absolument incroyable. Par, alors, si je dis pas de bêtises, je me demande, c'est pas dans le film, je l'ai pas revu, c'est pas Ngman Tat qui chante, c'est donc une version en cantonais de Unlio, c'est d'un film donc de Zhao Xinshi, plus connu en Occident sous le nom de Stephen Chow, qui avait fait notamment Shaolin Soccer et Kung Fu Hustle, et là c'était la version de sa version à lui, Chinese Odyssey, qui est sortie en DVD du Roi Singe de. Dont un film absolument sublime dans les années 60, notamment d'un des frères Wang a été fait, qui repasse de temps à autre. Voilà, superbe. Enfin, superbe. En tout cas, le film. Là, je ne vous dis pas, la version est en effet amusante, plutôt que superbe. On va finir notre émission sur l'AFCA, qui est déjà terminée. Il y avait sûrement plein d'autres questions encore, mais il aurait fallu encore un peu plus. Mais sur le forum de l'AFCA, sur les choses comme ça, vous pourrez trouver des choses. On va finir par un peu tout ce que fait notamment l'AFCA, là, ce qu'on peut voir. De l'AFCA, je m'y perds un petit peu, mais déjà je vais parler de l'Animathèque du 19 décembre, donc c'est bientôt, au Jeu de Paume, qui est joyeux de la Cinémathèque Robert Linen. Et pour vous dire, bon, je ne vais pas dire, je m'y connais un petit peu en animation, j'ai plein de failles comme tout le monde, loin de là, mais alors là, j'ai lu le programme, et c'est même pas que j'ai des failles, c'est que je me dis, wow, il y a plein de choses que je ne connais absolument pas. Alors bon, Animando de Marcos Galaès, je connais. Il y a marqué Canada, je crois que c'était Brésil. Les Brésiliens. Les Brésiliens, mais il a fait son film à l'ONF. D'accord. Donc, un film très drôle, hein, mais Ronde Carrée de René Jodoin. Ouais, Canadien. Hein, 80 ans progrès de John Alas et Joy Batchor, ça je connais. Voilà. Jolie Plume d'Evelyne Lambert. Alors ça, c'est pareil, c'est la collaboratrice. Plus connue, voilà, la collaboratrice de McLaren, notamment. Les Cages de Miroslav Kijovic. Désolé pour la prononciation. Très, très beau film. Pologne. Ouais, très beau. Nocturne Party d'Albert Pierru, France. L'ange gardien d'Edouard Sturli. Je connais quasiment aucun des noms de réalisateurs. Hein, c'est incroyable. La danse des brutes, Bully Dent de Janet Perlman, séance, que je connaissais pas. Merci. Merci Florentine. Traveling Tune de Max Kirst, personne n'a rien entendu. Motogaz de Casimir Urbanski. Demain Paris, alors d'André Martin et Michel Bochet, ça, donc on connaît déjà un peu plus. Mm-hmm. Et on finit par Free Radical The Landline. Là, je me suis dit, ça va, quelque chose que je connais quand même. C'est étonnant cette programmation. Il y a longtemps qu'on a envie de faire un programme avec le fonds de la Cinémathèque Robert Linen, qui est un fonds absolument incroyable. De films qui sortent pas assez malheureusement, et on n'a eu que l'embarras du choix. On aurait pu faire 3 ou 4 programmations comme ça. Alors, manger. Il y a des vrais, pas seulement des curiosités, parce qu'il y a vraiment des films qui sont des très beaux films, mais rares. Alors, ça commence à 19h. C'est plutôt, non, c'était 19h30 dans les autres. Non, c'est 19h. Non, 19h. Prévoyez, c'est un peu long, hein, c'est une séance qui va durer 2h. Il y a beaucoup de. On va parler, on va dire des choses comme ça. Donc, c'est souvent. Donc, manger avant, c'est une séance qui devrait terminer vers 22h. Non, je dis ça pour l'habitude de l'animatech. Non, ça commence à 19h, elle fait 2h. Donc, ça fait 21h. Oui, mais après, on va parler, les gens vont parler, comme ça. Il y a madame. Je ne sais plus son nom, mais il y a Béatrice de Pastre Robert, rien que le nom, autant de le dire, ça prend 2h. Directrice de la Cinémathèque Robert Linen. Ça va être long, donc venez, c'est vraiment. Alors, ça, c'est très étonnant. Moi, j'ai assez hâte parce que vraiment la plupart des films, je ne les connais pas. Qu'est-ce que l'Animathèque Yaoche, qu'est-ce que l'Animathèque propose? Alors, aujourd'hui, on a parlé de l'Animathèque, il nous reste 5 minutes, il y a quoi? Donc, on va parler concrètement. Si on veut rentrer en contact avec l'Animathèque, il y a, on va dire, le plus évident aujourd'hui, c'est le site Internet. Oui. C'est plus facile, c'est plus évident. Oui. C'est donc www.afka.asso.fr. Voilà, on le redit, www.afka.asso.fr. Là, on a plein de choses. Toutes les informations, normalement, se retrouvent là assez facilement maintenant. Il y a toujours des gens qui ne trouvent pas, mais malgré tout, ils exagèrent. Ça commence à être vraiment clair. Le site est devenu, justement, pour les petites critiques, on a dit que le site est devenu un peu plus sage au niveau de l'esthétique, mais au moins, ceux qui ne trouvent pas là, il faut faire des. Je sais pas, aller un petit peu sur d'autres sites, etc., parce que tout est mis sur le côté gauche. On voit bien ressources, donc il y a plein de liens, il y a plein de. Il y a vraiment tout, il y a beaucoup de choses en tout cas, pareil, qui relient ensuite par d'autres sites internet, mais il y a beaucoup de choses. Il y a le site, il y a le forum, donc nouveauté, où vous êtes très impressionné parce que dès que vous y allez, vous avez, alors, sauf ceux qui ne marquent pas comme Jérôme, qui marquent juste Jérôme, donc on ne sait pas que c'est un réalisateur, mais sinon vous avez, j'y suis allé un petit peu, plein de noms de réalisateurs vraiment impressionnants, vous êtes waouh, qui répondent, Jean-Daniel Costa, Wael Kaoussin, il y a même Jacques-Rémy Gérard qui est venu pour dire, il y a une erreur sur mais qui est venu quand même, ce qui est quand même bien, pas ça mal. Ça prouve que tous ces gens-là s'intéressent à l'AFCA, ils suivent ce qu'on fait et tout ça, c'est bien. Donc, venez sur le forum de l'AFCA, c'est assez passionnant, et puis vraiment, c'est un plus, à savoir qu'il ne faut pas, Foudanime, par exemple, foudanime.org, dont on a souvent parlé à ce micro, répond vraiment à plein d'attentes absolument extraordinaires au niveau technique, au niveau. Et puis de. Katsuka répond plus au niveau, on va dire, de news notamment, des choses comme ça. Enfin, c'est assez extraordinaire. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai réseau. Tout ça est complémentaire, bien sûr. Voilà, il y a un vrai réseau complémentaire de sites. Donc, il y a l'Animathèque, on peut rencontrer Marina, qui est souvent là. Olivier n'est rarement là. Mais en tout cas, Marina est tout le temps là qui présente l'Animathèque. Donc, on peut rencontrer. Puis, on peut rencontrer plein de monde souvent. C'est formé un petit groupe aussi qui va des fois, qui parle après, qui va manger ou boire un verre justement pour parler un petit peu. Florentine, on fait souvent partie. Exactement. Donc ça, c'est une manière aussi de parler de l'AFCA, de parler avec des gens de l'AFCA et de parler d'animation. Il y a les jeudis, donc on vient d'en parler, qui s'est créé il y a 4 mois maintenant, 3-4 mois, ça fait la 3e édition, 4e édition. Alors qui n'est pas complètement de l'AFCA, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir un mélange de gens aussi bien qui sont adhérents de l'AFCA ou qui connaissent l'AFCA, sympathisants de l'AFCA. Avec des gens de Foudanime, etc. Et puis d'autres, bien qui sûr. Je pense, il y a des gens qui viennent du forum de Florentine, The Web Anime. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de gens qui c'est devenu le mien, bien sûr. Tiens, depuis un bout de temps maintenant. Et bientôt Hoche. Donc voilà, donc bientôt revenons à l'AFCA, en effet. C'est la fin. Revenons. Il y a bientôt Hoche, dont on va parler évidemment beaucoup ici, de toute façon. Donc ça, on aura le temps d'en parler. Je demande sur le forum comment être hébergé et aller à Hoche. Ouais, c'est un petit peu tôt encore, mais bientôt on va diffuser les informations parce qu'il faut qu'on fasse le tour, etc. Et quoi d'autre? T'avais d'autres choses? Parce qu'évidemment, il y a tellement toujours plein de choses à dire qu'on finit l'émission en se disant, on aurait pu parler de ça, on aurait pu parler de ça, tu parlais de l'étranger, tu parlais des possibilités. Qu'est-ce qu'il y a qui serait intéressant dire pour que les gens appellent dès qu'ils ont entendu la fin de l'émission, appellent l'AFCA. Peut-être ce qui est intéressant, ça sert pas à tout le monde tout le temps, mais néanmoins ça sert quand même pas mal. C'est un réseau aussi international. Hein. On évoquait la CIFA tout à l'heure. L'AFCA est au centre aussi d'un réseau international. Donc, n'hésitez pas. On peut aussi vous aider de ce point de vue-là. Récemment, j'ai donné le contact du responsable justement de la CIFA Est, donc la côte Est des États-Unis, à un Français qui a un projet qui va être produit aux États-Unis pour qu'il se renseigne sur les droits aux États-Unis, parce que nous, on ne connaît pas tellement ça en France. On peut aussi faire ça si vous cherchez des films ou des producteurs ou des écoles à l'étranger. On peut aussi vous aider. On a une action aussi de diffusion aussi à l'étranger. Je rappelais ce DVD qu'on diffuse tous les ans dans le cadre de la Journée mondiale, qui est une compilation de films de fin d'études qu'on envoie quand même dans une trentaine de pays. Et je peux vous dire qu'il y a des retours souvent très, très, très positifs de gens qui découvrent les écoles d'animation françaises et qui disent ah, bah, donc, c'est quand même quelque chose. C'est vrai. Et, ouais, c'est... Bon, et puis aussi, des programmations dans des festivals. On envoie aussi assez régulièrement des professionnels dans des pays aux quatre coins du monde parce qu'on nous les demande souvent par le biais d'instituts français. Donc les gens sont pris en charge, etc. pour intervenir dans un festival, pour intervenir dans des studios, dans des écoles, etc. Voilà. Et comme c'est la fin, je vais être obligé de te couper, mais c'est sans oublier le centre de ressources. Très intéressant, vous aurez plein d'articles sur Émile Cole, des choses qui datent de 1950, enfin, toute l'histoire de l'animation française est dans les locaux, dans les sous-sols de l'AFCA. Donc l'AFCA, donc plein de choses, et puis tous ces mélanges ou quoi qu'on peut faire. C'était Bulle de Rêve, vous pouvez réécouter l'émission. Alors j'en demanderai un peu plus à Nicolas, parce qu'il m'a dit qu'on pouvait l'écouter même sur le site de Radio Libertaire. Pour l'instant, je le remets moi sur le site de The Web Anime, zewbanim.com, mais je vous donnerai ça la prochaine fois. On se retrouve nous le 30 décembre pour une émission spéciale animation japonaise, pour tordre le cou un peu à toutes ces conneries et ces bêtises qu'on entend sur l'animation japonaise, et Dieu sait s'il y en a. Merci beaucoup Olivier, merci à Florentine, c'était Bulle de Rêve. Merci et à bientôt. Au revoir.